game. It's a nice day to start again. Il est 6h01, soyez les bienvenus, j'adore quand on démarre l'émission déjà en retard. Qu'on amène le coq. Soyez les bienvenus parmi nous, c'est vendredi, ça sent le week-end qui arrive, on va s'écouter le nouveau Funback, ça sera juste après les infos qui arrivent maintenant, parce que je viens de me rendre compte qu'effectivement on démarre tous les jours avec les infos. Ouais. Ah ouais. Oui, je m'emballe, mais alors on va savoir ce qui se passe dans le monde. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. Un temps encore bien gris et pluvieux au programme aujourd'hui. Ce matin, seule la région Grand Est profite de quelques rayons. Partout ailleurs, le brouillard et les averses s'imposent. Même chose pour cet après-midi, mais ça s'éclaircira de la Gironde jusqu'à la Côte Basque. 8 degrés attendus à Lille. Aujourd'hui, on aura 10 à Auxerre et Brest, 11 au mieux à Toulouse et encore 16 degrés pour les maxis à Draguignan. Et on garde un œil sur le ciel avec deux départements placés en vigilance orange dans le sud. Alerte aux orages pour le Var et aux inondations pour le Gard. Soyez prudents, notamment dans le Gard où on attend 120 mm de pluie. Les transports scolaires sont suspendus ce matin. Dans l'actu de ce vendredi, ils ont toujours le soutien des Français. Une semaine après les premières actions des Gilets jaunes, 7 personnes sur 10 estiment qu'il faut poursuivre le mouvement. Hier encore, on recensait près de 260 manifestations à travers le pays. Et la pression ne devrait pas retomber aujourd'hui avec l'opération promo du Black Friday. Certains militants prévoient de bloquer les accès aux centres commerciaux. Demain, ils ont tous rendez-vous à Paris. 30 000 personnes sont attendues dans la capitale. De son côté, Emmanuel Macron va préciser plusieurs choses d'ici mardi dans un discours sur la transition écologique. Le président devrait annoncer l'ouverture de négociations sur la taxe des carburants. On attend aussi la présentation de nouvelles aides pour acheter des véhicules moins polluants et mieux isoler son logement. À travail égal, salaire égal. Hier, le gouvernement a dévoilé son nouvel outil pour combattre les inégalités entre les hommes et les femmes au travail. À partir du mois de mars, les entreprises seront notées selon les écarts qu'elles pratiquent. Objectif, atteindre les 40 points, le meilleur score. En dessous d'un certain seuil, elles devront s'engager à prendre des mesures sous peine d'une sanction financière. Du foot, avec un choc pour ouvrir la 14e journée de Ligue 1 ce soir. L'Olympique Lyonnais reçoit Saint-Etienne pour le derby le plus relevé du championnat. Et l'enjeu est double cette année, ne pas perdre la face évidemment et rester dans la course au podium. Un seul petit point sépare les deux équipes au classement. Ramener la coupe à la maison, eux aussi, ils en rêvent, c'est peut-être d'ailleurs un signe. Les joueurs de l'équipe de France de tennis affrontent la Croatie en finale de la Coupe Davis. Ça démarre aujourd'hui au stade Pierre Mauroy de Lille avec les deux premiers simples. À 14h, Jérémy Chardy affrontera Coric, le 12e joueur mondial. Et Joe Wilfried Tsonga lui enchaînera face à Cilic dans la foulée. Tous les animaux de la savane réunis pour la naissance d'un lionceau, ça vous rappelle forcément quelque chose. La bande-annonce du Roi Lion a été dévoilée cette nuit. Cette nouvelle adaptation débarquera au ciné l'été prochain avec un mélange d'images réelles et de 3D. Les premières images donc nous replongent en tout cas dans l'ambiance avec un discours de Mufasa, l'arrivée du singe Rafiki et la présentation du tout petit Simba. Beyoncé d'ailleurs prêtera sa voix à Nala dans la version originale. Voilà pour vos infos. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. À fond. Bonjour Glandier. Vendredi. Bonjour Nico. C'est le Black Friday. Bonjour Tata. C'est le week-end. Et bonjour tout le monde. Ça commence. Bienvenue dans ce 23 novembre, c'est vendredi. Et oui, vous avez pas pu le louper, vous ne pouvez pas le louper aujourd'hui, c'est le Black Friday. Oh, ah ouais. J'ai l'impression que ça n'a jamais existé autant. Ah ouais. C'est ouf. Voilà, c'est ouf. Vous allumez la radio à n'importe quel moment, il y a une pub pour. Toutes les pubs, c'est du Black Friday. Bah ouais, j'ai reçu aussi plein de SMS, plein de mails tout le temps. Les mails, quoi. C'est génial. Je reçois des mails de. Tout fait Black Friday. Mais oui, c'est un truc de dingue. C'est trop. Moi, j'en ai marre, je suis saoulée. Hein. C'est jamais trop. J'ai envie d'acheter tellement de choses qui ne me serviront jamais. C'est ça le concept du Black Friday. C'est terrible. T'as pas de jardin, mais tu vas quand même acheter une tondeuse, quoi. Ouais, c'est parce qu'elle est en promo. Oui, mais je trouve que tu perds un temps parce que tu cherches toujours 2 euros moins cher, 2 euros moins cher. Non, ça, c'est toi. Ah, c'est vrai. D'accord. Ça me prend un temps, ce truc. Écoutez, c'est le Black Friday aujourd'hui, mais le meilleur, il est ici, je vais vous le dire, parce que nous, il n'y a pas de remise, il n'y a pas de réduction. Il y a 1000 euros de bon d'achat, tout simplement, pour vous. Et là, vous dites, mais comment on va faire? Eh bien, ça va être très simple. Aujourd'hui, le meilleur Black Friday du monde est sur Énergie. À partir de maintenant, jusqu'à 9h30, dès que vous passez à l'antenne, dès que vous nous appelez et que vous passez à l'antenne, ouais, vous gagnez automatiquement 1000 euros de bon d'achat chez Cdiscount. Wow, c'est ouf là. 1000 euros de bon d'achat. Ouais, dingue. Ça, c'est trop bien. Alors, vous pouvez dire, mais qu'est-ce que ça représente? J'ai calculé, écoutez bien. Qui n'a jamais rêvé d'avoir 816 piles? Mais oui, ça donne pas envie. Ah si. Y a d'autres trucs, hein. Chez Cdiscount, globalement, il y a tout. C'est aussi simple que ça. 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount dès que vous arrivez à l'antenne. Ah, génial. Il suffit de nous appeler 0870 42 48. Ce qui est génial, c'est que ça va vous permettre d'acheter encore plus de choses aujourd'hui ailleurs. Excusez-moi, en plus j'ai 1000 euros à dépenser après. Voilà. C'est la teuf. C'est le festival. Ouais. C'est pour vous, il suffit de nous appeler. Georges Ezra arrive dans 2 minutes. Avant ça, on parle de la nouveauté, du nouveau Nico. Ouais, c'est vrai. Nous avons aujourd'hui un nouveau Nico avec nous et ça se voit. Ouais, je rentre dans ta team, Manu. Bah, un peu, ouais. Effectivement. La team lunettes. La team lunettes. Nico a des lunettes. Ouais, c'est ouf. Depuis hier, je dois en porter, quoi. C'est pas un choix au départ. Hein. C'est que je suis allé voir un ophtalmo la semaine dernière, j'en avais pas vu un depuis 3 ou 4 ans. Ouais. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec votre vue? Et je lui ai dit, bah, je suis beaucoup sur un ordinateur, etc. Il m'a dit, bah, il faut les porter, mais tout le temps maintenant. Du coup, il faut se dépêcher, monsieur. Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas de près, de loin? Ouais, en fait, je me rendais compte que je voyais de moins en moins bien. Et c'est pour ça que je suis allé voir un ophtalmo. Et voilà, donc il m'a dit, bah, il y a soit les lunettes, soit les lentilles. Lentilles, je me connais, c'est trop chiant. J'ai lu ça, moi aussi, j'avais essayé une fois. Mais non. Ça t'irrite les yeux, ça te fait pleurer. J'ai mets-moi un truc basique. Donc lunettes, quoi. Mais Nico, il est smart jusqu'aux lunettes, je trouve. Tu sais, on dirait un peu un architecte qui va venir chez toi, qui va te faire les plans. Ouais. C'est vrai, ça change. Hein. Ça te rend intelligent alors que. Bon. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est ouf comment ça me change. Le problème des lunettes avec nous, c'est que ça nous enlève un peu de one-one. Ouais, c'est dommage quand même. C'est ça, je vais quand même les enlever de temps en temps, t'inquiète pas. C'est pour ça que moi j'en avais, je me suis fait opérer les yeux. Comme ça, je peux être un plein temps. Voilà. Parce que tout le monde me dit que c'est chiant en fait les lunettes. À chaque fois, c'est avec les traces de doigts, la buée et tout. Mais il y a pas des trucs cool. Non, honnêtement, un truc cool, il n'y a rien. Sérieux? Mais effectivement, ce qui est rigolo, c'est quand tu ouvres le four. Ça te fait de la buée partout sur les lunettes. Tu vois rien. Quand tu passes de chez toi et qu'il fait froid dehors, de la buée sur les lunettes. Ah ouais, vrai ça. Ensuite, tu la prends avec la main, t'as le malheur d'avoir n'importe quoi sur les doigts. Ça se met sur les verres, donc c'est gras. Donc en fait, mais le problème, c'est que tu peux pas les nettoyer avec n'importe quoi. Tu peux pas les nettoyer avec un t-shirt. Il faut le petit carré minus. La microfibre. En exactement. Il dit, tenez, on vous offre le truc, mais sauf que c'est tout petit et qu'au bout de 2 jours, tu l'as perdu. Donc tu te retrouves avec des lunettes, avec des taches de gras, avec de la buée et tu peux pas nettoyer. Tu sais quoi, Nico? Tu souhaites bonne chance. Merci. Allez, 6h08. Rassure-toi, il y a plus con que toi. Il y a pire que toi. C'est tous les matins, on vous les fait écouter aux alentours de 6h10, c'est les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Je vous raconte 3 histoires juste après Georges Ezra sur Énergie. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by. see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. I'm feeling like a someone, someone, someone, someone. 6h11, bon réveil sur Énergie. Offenbach arrive pour vous dans 3 minutes. Et avant ça, voici comme chaque matin les concours du jour. Ouais. Ouais. Des gens improbables qui font des choses improbables. Je vous raconte leurs histoires tous les matins. On démarre en Allemagne. Un homme s'est fait arrêter pour avoir roulé à 95 km/h au lieu de 50. Oh non. Oula, il a eu droit directement à un retrait de permis. Ah bah oui. Petite précision qui fait tout le piment de l'histoire. Ouais. L'homme en question avait le permis depuis 49 minutes. Ah, mais non, c'est pas beaucoup. Aïe. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de dire je viens l'avoir. Il n'a même pas eu le temps de l'annoncer à ses proches. Ouais. Franchement, à sa place, je dis rien. Non, je ne suis pas allé. Concours du jour, à Paris, en région parisienne, un braqueur entre dans une bijouterie et prend tout ce qu'il peut. Et pour remercier l'employé de cette tenue tranquille, il part en lui faisant un bisou sur la joue. Mais non. Mais non. Si. Sauf que c'est une erreur. Parce que la police arrive après son départ et vérifie s'il y a un moyen de récupérer sur la joue de l'employé l'ADN du voleur. Ah bah oui, ouais. Ils ont réussi, le mec était ultra recherché, ils l'ont arrêté. Heureusement qu'elle ne s'est pas essuyé la joue d'un air de dégoût, tu vois. Heureusement. Non, mais c'est vrai, parce que c'est un réflexe. Mais heureusement, mais... bien sûr. Non, mais elle aurait pu avoir le réflexe. Oui, mon Dieu, heureusement qu'elle ne s'est pas essuyé la joue. Oui. Sinon cette histoire n'aurait pas eu lieu. Bien sûr, ouais. Effectivement, absolument, ouais. Effectivement, elle n'aurait pas eu lieu. Je passe au dernier concours du jour. Ouais, vas-y. Dans la Sarthe, un homme entre dans un bar tabac et le braque en criant « Oh les mains !» Alors le patron lui demande ce qu'il veut, et là le mec en fait commence à balbutier. J'ai oublié. Bon, laissez tomber, je m'en vais. Mais non. Quoi ? Et il se barre du bar tabac. Oh, mec. La police est appelée et le retrouve, où ça ? Dans le bar à côté, en train de prendre un verre au calme. Ah ouais. Non, ça... voilà. C'est l'apéro en fait qu'il voulait. Ouais. C'est ça. Ça fait presque scénario de pub pour une bière. C'est ça. On ne résiste pas à une pipe canne. C'est vrai. Allez, on revient tout de suite. C'est le nouveau Offenbach. Ça arrive pour vous dans 3 minutes. Et quand j'y pense, je me dis. Heureusement qu'elle s'est pas essuyée la joue. Allez, tout de suite. Bienvenue sur Énergie. Ce soir, c'est le week-end. C'est Manu dans le 6-9. C'est le week-end. Energy. You're listening tonight. Tonight. Energy. I made no promises. I can't do golden rings. But I'll give you everything. It's music only. Big Flo et Oli, tu connais non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez. On dirait que tu t'es lassé, qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes Engueulade avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires. Puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. C'est Richard Gasquet. Pendant les matchs, sur les balles décisives, je ne pense qu'à une seule chose. Manu. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et à partir d'aujourd'hui et tout le week-end à Lille, c'est la finale de la Coupe Davis. La France contre la Croatie. Et Richard Gasquet ne joue pas. Ah. Parce qu'il a été déclaré forfait. Ah, yes. Voilà. Mais comme je n'ai toujours pas d'autres jingles de tennisman, ouais, à chaque fois ouais. que je parle de tennis, j'envoie un jingle de... de Richard Gasquet, ouais. quoi. Ouais, c'est pratique. S'il écoute, c'est pas blessant pour lui, là. Si, bah, on le met, mais en même temps, ouais. voilà, je m'adresse là vraiment au monde. Si vous connaissez les tennismen, ouais. allez-y, dites-leur, tiens, il faudrait faire un petit jingle pour Manu, parce qu'on met toujours Richard Gasquet. Ouais. Ouais, ou s'il y a une interview sur France 2, Nelson Montfort, qui fasse directement le petit jingle au micro de Nelson oui, Montfort. Oui, voilà, exactement. Sur la télé, nous on le récupère et on. Oui, voilà, exactement. Nelson Montfort, si ça te gêne pas, tu lui demandes de faire des petits jingles rigolos ouais. pour nous. Ouais. Ah, voilà, tous les tennismen. Ouais, voilà, c'est pas mal. Nadal, tout ça. Ouais, tout le monde. Federer, ouais, un peu français, ce sera bien. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Allez. On va s'écouter au Offenbach et juste après, on va parler de nos tocs. Ouais. Mais les petits tocs qu'on a au quotidien, pas forcément des gros tocs. Mais par exemple, le jour on en a parlé avec Paulette, elle met toujours son réveil à 4h44 parce qu'elle ne veut pas être réveillée sur un chiffre rond. Mmh. Elle ne veut pas d'un 0 ou d'un 5. D'accord. Donc elle met sur un 4. Donc elle se réveille à 4h44. Voilà. Emma, quel est votre côté aussi? Comme ça, okay. dans les petits tocs du quotidien, vous pouvez nous appeler au 0 870 42 48. Et je vous rappelle que ce matin, pour le Black Friday, le meilleur Black Friday du monde, il est ici. Dès que vous nous appelez au 0 870 42 48... et que vous passez à l'antenne, vous repartez avec 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount. C'est la classe. C'est vous dans 3 minutes. For you, everything for you. 21, on va écouter Calvin Harris, il y aura aussi VG Dream. Mais avant ça, nous parlons... Quel est votre petit toc du quotidien? Paulette se lève tous les matins à 4h44. Pourquoi? Parce qu'elle veut mettre son réveil sur un chiffre qui n'est ni un 0 ni un 5. Ouais, c'est son petit truc. Il y en a d'autres, j'imagine? Oh oui, il y en a plein. Globalement, tu as inventé le mot toc un peu. J'ai des petits problèmes, effectivement. Comme chez moi, avant de partir, j'ai besoin de vérifier la gazinière que tous les boutons soient bien fermés. Donc parfois je sors, je ferme la porte, et je reviens et je vérifie tous les boutons. J'ai été traumatisée parce que j'ai une copine qui a sa maison qui a explosé ça à cause du gaz. Elle n'était pas dedans. Elle a sauvé tout le monde. Elle a senti le gaz la nuit, elle a réveillé tout le monde dans la maison, elle a sauvé tout le monde. Mais bon, après, tout a explosé, elle n'avait plus de fringues, plus rien. Oh là là, ça doit être dur, votre maison a explosé. Oh non, le pire c'est les fringues. 0 870 42 48. Je vous ai demandé de nous appeler. On a Clémence qui est là. Bonjour Clémence. Oui, bonjour. Salut Manu. Salut Léon. Salut. Hello. Quel est ton petit toc au quotidien? Alors moi, il faut que je sois systématiquement en mouvement quand je suis au téléphone. Je peux pas ne pas bouger. Ah, tu veux pas genre t'allonger sur le lit comme ça et raconter ta vie? Non. Il faut que je marche, Tu fais du sport en même temps, hein? Bah ouais. Ouais, pas mal. Ouais, voilà. Mais tu peux pas téléphoner aux toilettes du coup. Si, mais non. C'est compliqué pour celui d'après. Et c'est sur cette bonne vanne, Clémence, que je t'annonce que je t'offre 1000 euros de bon d'achat chez Cdiscount. Dès que vous arrivez, mais je t'en prie, dès que vous arrivez à l'antenne ce matin, c'est le meilleur Black Friday du monde. Vous arrivez à l'antenne en nous appelant et vous repartez avec 1000 euros de bon d'achat chez Cdiscount. On continue les petits tocs du quotidien, Nico. Moi, je suis obligé de remettre tous les cadres au mur droit. Partout. Ah là là. Ah oui, c'est vrai. Chez les autres et tout. Partout où je vais, quoi. Mais même les, toi, c'est même les écrans d'ordinateur, c'est relou. Ah, moi, il faut. Enfin, si on pousse le truc aussi, c'est même à table. Hein, c'est la fourchette, le couteau, le truc. Il faut que tout soit droit, moi. Mais alors, tu sais quoi, je vais te dire un truc. J'ai un truc un peu comme ça, mais c'est de temps en temps quand je fais une fixette sur quelque chose. Ce matin, dans le lave-vaisselle, j'avais une petite cuillère qui n'était pas droite. Ouais. J'aurais pu la laisser comme ça, c'est pas grave. Elle est penchée. Putain. Ouais. Je suis revenu 3 fois pour la remettre droit. Mais non, je te crois pas. Mais ça te bouffe la journée sinon. Mais c'était une fixette. Ouais. Alors que fondamentalement, je m'en fous. Ouais. Il fallait que cette petite cuillère elle soit droite. Ouais, c'est que s'il y a un truc qui se passe mal dans ta journée, tu vas dire putain, c'est à cause de ça. Mmh. Alors non, je suis pas aussi que. Ouais. Ah ouais. Non, désolé pour toi. Ok. Guillaume, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur NRJ, Guillaume. Quel est ton petit toc du quotidien? Alors moi, c'est en voiture quand je suis au feu rouge, je décompte dans ma tête. Jusqu'à zéro, il faut que ça arrive au vert. Oula, attends, Guillaume, on t'entend pas très très bien. Redis, pardon. Je dis, quand je suis en voiture au feu rouge, moi je décompte dans ma tête et mon objectif c'est d'arriver à zéro quand ça passe au vert. Si ça marche pas, je sais que je vais passer une vieille journée. Ah oui, tu fais 1, 2, 3, vert. Ouais, c'est ça. Je vois. Bon, des fois tu triches sur le décompte. Hein. Ouais. Ah c'est ça. Oui, d'accord. Ah, oui, en fait, donc tu t'arranges en fait avec toi-même. Ça marche. T'es ouin-ouin, mais sur ouin-ouin en plus. Ok, ça marche. Guillaume, 1000 euros de bon d'achat chez Cdiscount pour toi aussi. Ah, c'est canon, merci, c'est génial. Le meilleur Black Friday du monde, il est ici. Vous arrivez à l'antenne, vous partez avec 1000 euros de bon d'achat chez Cdiscount. Les tocs du quotidien, Glandu. Moi, il faut qu'il y ait qu'une seule feuille de papier toilette qui pende dans le vide, sur le rouleau. Aux toilettes. Tu vois, s'il y en a plus, soit je rembobine, soit je les arrache. Sinon, ça me stresse. Ah, je vais pas quitter les toilettes tant que c'est pas nickel, quoi, à ce niveau-là. Mais généralement, même pour celui d'après, tu sais, ça fait négliger, tu vois, s'il y a plusieurs feuilles. C'est vrai que quand j'arrive et qu'il y a plusieurs feuilles, ça me rend dingue. Mais dingue. Non, c'est une vanne, moi. Isabelle, un toc? Quand je poste une lettre, je mets toujours mes doigts dans la fente de la boîte aux lettres, tu vois, pour vérifier que ma lettre, elle est bien tombée au fond. Mais attention, t'es petit, toi, tu peux tomber dedans. Hein. Le nombre de gens qui vivent depuis des années dans les boîtes aux lettres. Oui, c'est vrai. Vous avez entendu parler de gens qui ont disparu? Bien sûr. Ouais. Ils sont dans les boîtes aux lettres. Calvin Harris arrive juste après les infos de 6h30. Et les sondages du matin, c'est dans 10 minutes. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9. On revient tout de suite. Manu dans le 6-9. Mais c'est qui dans le 6-9? C'est Manu sur Énergie. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie, Hit Music Only. Bonjour, c'est moi, celle qui vous importune pour votre plus grand plaisir. Vous voyez pas? Je suis un peu carrée, avec un bouton. Toujours pas?

Et la météo décidément capricieuse dans le sud où 5 départements sont placés en vigilance orange ce matin. Alerte aux pluies et aux inondations pour l'Ardèche, le Gard et l'Hérault. Attention aux orages dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. Dans l'actu ce matin, c'est le moment de remplir la hotte du Père Noël. Le Black Friday s'impose désormais comme l'opération promo incontournable de la fin d'année en magasin et sur le net. Et désormais, tout le monde s'y met. Les produits high-tech, les places de ciné, la cosmétique, les vêtements et même la SNCF. Une journée également de plus en plus contestée, notamment à cause de la pollution et du gaspillage causé par la surconsommation. Eux, justement, ils comptent en profiter pour mener de nouvelles actions. Les gilets jaunes devraient bloquer plusieurs centres commerciaux aujourd'hui. Ils se préparent surtout pour le rassemblement de demain à Paris. Près de 30 000 personnes sont attendues pour manifester contre la politique d'Emmanuel Macron. Vous n'avez pas fini de patienter avant de regarder un clip sur YouTube. La plateforme se prépare à réorganiser un peu ses annonces publicitaires. Dans les prochains mois, vous aurez de moins en moins de coupures en plein milieu des vidéos. En revanche, il faudra regarder au minimum 2 spots pub avant d'avoir accès à votre contenu. France-Croatie en lice pour décrocher le titre. Ce n'est pas du foot cette fois, mais du tennis avec la finale de la Coupe Davis à Lille. Les Bleus compteront sur Jérémy Chardy dès 14h. Il affronte le 12e joueur mondial Coric. Joe Wilfried Tsonga lui enchaînera face à Cilic. Rien ne les arrête. Un an seulement après la sortie de La Vraie Vie, Big Flo et Oli enchaînent avec un nouvel album dispo aujourd'hui. Dans La Vie de Rêve, les deux Toulousains reviennent sur une année 2018 folle entre leur tournée monumentale, 3 disques de platine et 2 Energy Music Awards. Ils avaient besoin de faire le point en musique. Au départ, c'était juste une suite. C'est pour ça qu'il a failli s'appeler La Vraie Vie 2, cet album. Et au final, on a tellement travaillé dessus, on a vu la chose évoluer, on s'est dit non, mais quand même, c'est un vrai album. Et surtout, il avait sa propre identité. Donc, on a décidé de changer de nom et de l'appeler La Vie de Rêve. C'est l'album qui vraiment montre la différence qu'il y avait au moment où on écrit La Vraie Vie. On est des petits artistes, on a envie de réussir, on a peur. Et La Vie de Rêve qui a été écrit pendant la tournée. C'est un peu le avant-après. Les nouvelles personnes qu'on est devenues, c'est aussi une thérapie pour nous. On se dévoile, on se vide un peu de tout ce qu'on a vécu de ce tourbillon-là depuis un an et demi. Ça reste du Big Flo. On raconte toujours des histoires, il y en a des très longues, même presque des films. Après, on a essayé de faire mieux, ça c'est sûr. Voilà, Big Flo et Oli qui terminent en ce moment leur tournée. Ils seront à Tours, Bordeaux et à l'Accord Hotel Arena dans les prochains jours. Voilà pour vos infos. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Juste après Calvin Harris, c'est les sondages du matin qui seront de retour pour vous. Aujourd'hui, c'est le Black Friday. Vous en entendez parler depuis le début de la semaine. Et maintenant, c'est le Black Friday aujourd'hui, mais c'est la semaine Black Friday. Ouais. Il y a même des plusieurs semaines Black Friday maintenant. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est cool. On est inondé du Black Friday. On va acheter plein de choses qui ne nous serviront jamais parce que c'est moins cher, tout simplement. Moi, je refuse. J'achèterai rien du tout. Isabelle. Rien de rien. Je résiste. J'ai pas besoin forcément d'un truc. Mais après, c'est tout à ton honneur. Hein. Non, mais t'en as pas besoin, mais une paire de chaussures, ça fait du bien quand tu l'achètes, quoi. Elle est moins chère. Mais c'est pas une bonne raison, arrêtez. Ouvrez la fenêtre, regardez la nature, respirez, arrêtez d'acheter pour rien. C'est trop. Après, vous savez même plus où ranger vos affaires. Moi j'ai de la place maintenant, je suis séparé. Non, pour le coup, vraiment, j'ai une armoire vide. Le Black Friday, pour moi, c'est une sorte de. Allez, bonhomme, relève-toi. Ouais. De là à dire que c'est en prévision du Black Friday que tu t'es séparé pour avoir de la place chez toi. De là à dire que Black Friday est l'ennemi de la Saint-Valentin. Le meilleur Black Friday du monde, il est ici. Ce matin, depuis 6h et jusqu'à 9h30, on vous l'a annoncé. C'est très simple. Vous nous appelez au 0870 42 48 pour passer à l'antenne. Vous repartez avec 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount. Ça, c'est classe. Voilà. Il n'y a pas de réduction, c'est gratuit. Vous achèterez ce que vous voulez sur Cdiscount avec 1000 euros. C'est pour vous, il suffit de nous appeler. Calvin Harris arrive dans une minute. Avance à quelques infos. On est le 23 novembre aujourd'hui. C'est une journée mondiale. Il n'y a pas que le Black Friday. C'est la journée mondiale de la chicorée. D'accord. Alors, je vais peut-être vous apprendre un truc. Pour vous, qu'est-ce que c'est la chicorée ? Un truc pour les enfants au petit déjeuner. Ok, Nico ? Pour moi, c'est le café des vieux, non ? Alors, la chicorée, en fait, c'est divisé en 2 catégories. Il y a celle qui donne ce qu'on retrouve dans la ricorée, là, voilà, le truc pas très bon à boire, là. Ah, si. Et il y a une autre chicorée qui s'appelle l'endive. Ah ouais ? Mais non. Eh oui, la chicorée, ça va devenir soit le truc dans la ricorée, soit une endive. C'est-à-dire que c'est tellement pas bon l'endive qu'elle prend un autre nom pour nous. Ni bonne à boire, ni bonne à manger, la chicorée, pas de bol. Super tube. Je suis désolé. Attends, donc le truc qu'on boit le matin, c'est de l'endive, c'est un dérivé de l'endive. C'est, y a deux catégories, quoi. Oh, c'est chelou quand même. Ah, c'est chelou, c'est comme ça. Voilà, on va pas en faire deux heures non plus. Non, non, non, non, on est choqués, on est choqués. Ouais. On va prendre du Nesquik, ouais, c'est bien. Voilà, c'est bien. Très bien. Je vous l'annonce, les amis, j'ai deux infos qui vont nous montrer que le respect est mort. Ah bon ? Voilà, si vous le voyez passer quelque part, dites-lui qu'il est mort. Ouais. Première info, le respect est mort, c'est une info gilet jaune. Mmh. À Mulhouse, des gens sont venus apporter de la soupe aux gilets jaunes pour qu'ils se nourrissent et se réchauffent. C'est bien. Ouais. Sauf que, en fait, les gens en question sont en réalité des gens qui en avaient marre des gilets jaunes. Oh non. Ils avaient mis dans la soupe une énorme dose de laxatif. Oh non, c'est pas bien. C'est dégoûtant. Je vous avais prévenu, le respect est mort. Ah, c'est pas bien. Ça peut être dangereux en plus. On a des gilets jaunes et des slips marrons, c'est compliqué le truc. Oh de... non, non, non, non. Empêche-toi, t'es marrant. Deuxième info, le respect est mort. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'info de Johnny Hallyday d'hier. Ah oui, ouais, sa maison de Marne-la-Coquette a été cambriolée. Incroyable. Ils ont pris des dizaines de montres, des dizaines de bijoux. Trois personnes ont été arrêtées. Ouais. C'est quand même. Bah, ouais. C'est pas bien. Mais c'est pas bien, quoi. Non, c'est pas bien. C'est en même temps, c'était sûr que ce soit vide, quoi, du coup. Oh non, mec. Oui, non, mais après, c'est vrai, oui. C'était sûr que la maison soit vide. Moi, je pensais qu'il avait des super alarmes partout. Enfin, jamais. Enfin, la maison de Johnny, c'est fou. Normalement, tu te dis, il est sécurisé, quoi. Enfin, ouais. Je sais pas. Alors, personne ne dit qu'ils sont rentrés par la porte comme ça, juste en appuyant sur la poignée. Hein. Ils ont cambriolé la maison, quoi. Après, moi, j'ai pas. Mais t'as le droit de penser ce que tu veux. En tout cas, ça reste quand même une méga star, Johnny. Le mec a pas porté plainte. Oh non! C'est trop tôt! Si! C'est trop tôt, mais. Bah ouais! Bon! On va s'écouter Calvin Harris et juste après, c'est les sondages du matin. Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing. Are you high enough? To a skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough? For you to come and stay over. Cause we're free to love. So tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings. But I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So don't get your everything. Tonight. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you. Calling for you. I'm here now. Energy taking control. I'm speeding up. My heart beats dancing alone. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Tonight. Bienvenue sur Énergie, il est 6h40. VG de Rime arrive, mais juste avant, c'est les sondages du matin. Attention, les sondages du matin arrivent dans pile 20 secondes. C'est pas beaucoup 20 secondes. Ouais, bah non. Dans 20 secondes, les sondages du matin, vous aurez la réponse à cette question. En soirée, les femmes le font deux fois plus que les hommes. Ah, ok. De quoi il s'agit? Et bien la réponse est dans 20 secondes. L'instant Tarty. Qui a préparé la mousse au chocolat? Mon cuisinier. Ah, ben il est bon. Oui, c'est une machine. C'est le Black Friday chez Darty. Jusqu'au 26 novembre, le robot pâtissier KitchenAid est à 399€ au lieu de 754, soit 47% d'économie. Référence 5 ASM 150 PSEPM. Black Friday, vendredi fou. NRJ. C'est Manu dans le 6-9. Je vous avais dit 20 secondes, c'est 20 secondes. Ah ouais. 6h41. On va s'écouter VG Dream, mais juste avant, voici comme chaque matin les sondages. Yes. Les sondages du matin, parce que ce sont les sondages et que on est le matin. Mais voilà, ouais. C'est logique. En soirée, les femmes le font deux fois plus que les hommes. D'après vous, de quoi il s'agit, Paulette? Danser. Ah oui, c'est pas con comme réponse. mais c'est pas ça. Aider à débarrasser, aider. Aider. Non mais en soirée quoi. Ouais, ouais, mais il faut toujours quand même un petit peu jeter les choses. Ce qui est génial, fabuleux, c'est que ça montre tellement qu'on est tous différents. Ouais. Quand je dis le mot soirée pour Paulette, c'est on va picoler. Ouais. Et pour Isabelle, c'est il y a un petit dîner. Hein. C'est un truc qu'elles font entre elles, genre critiquer d'autres personnes ou quoi. Non, c'est pas critiquer, mais effectivement, elles peuvent le faire entre elles. C'est un sujet de discussion qu'elles vont avoir. Oui, absolument. Voilà. Les garçons, les mecs. En soirée, les femmes le font deux fois plus que les hommes, parler de sexe. Ah oui. Mais non. Ah ouais. C'est fou, hein. J'avais cette discussion avec une copine hier. Et justement, on parle beaucoup plus de sexe que vous, et vous devriez. Parce que je pense qu'on se file des bons tuyaux. Ah ouais, ouais. On devrait quoi? En parler plus. Entre nous? Ouais. Vous voulez pas qu'on en parle avec vous plutôt? Non, en faire avec vous. Voilà. Voilà, c'est ça, Manu. 15% des Français font ça tous les jours. De quoi il s'agit? Du sport. Pardon, excusez-moi, je suis en train de décéder. Du sport, c'est pas ça. Non? Petit verre de vin rouge? Non, c'est pas ça non plus. C'est quelque chose qu'on fait sur notre téléphone? Pas du tout, rien à voir, pas besoin d'objet. Et tu le fais à la maison ou pas? Oui, tu peux le faire à la maison. Dans quelle pièce on le fait? Dans le salon, dans ta chambre. On le fait, nous, dans l'équipe? Il y a une personne de l'équipe qui le fait systématiquement tous les jours et elle peut le faire n'importe quoi. Hier, on en a parlé, elle l'a même fait dans les toilettes. Je sais. C'est la sieste. Exactement. Et la personne, c'est Paulette. Qui, je vous le rappelle, hier, a fait une sieste de 15 minutes aux toilettes. Ouais. 15% des Français font une sieste tous les jours. Bah, dis donc. En général, les gens sont deux fois plus heureux lorsqu'ils vivent là. D'après vous, lorsqu'ils vivent où? Une grande maison? C'est pas une grande maison. Non. À la campagne? Non, c'est pas la campagne. À la montagne? C'est pas la montagne. Eh ben alors c'est la mer. Eh oui. En général, les gens qui vivent près de la mer sont deux fois plus heureux que les autres. Eh oui, tu m'étonnes. Déménageons? Vas-y, démarre pour moi. Non, on te rejoint, Vas-y. Eh les mecs, j'ai trouvé une solution pour nous débarrasser de Paulette. Je suis heureuse, moi. Nous encore plus. Parce qu'effectivement, la suite, c'est. Et les gens sont trois fois plus heureux lorsqu'ils vivent loin de Paulette. Incroyable cette étude. Et voilà. 6h44, on va vous prendre le téléphone dans 3 minutes, juste après VG Dream. Un truc qu'on fait régulièrement dans l'émission. Imaginez, vous êtes à un premier rendez-vous avec quelqu'un en face de vous qui vous plaît. Et dans votre tête, il y a un truc sur vous. Et vous vous dites, ça, il faut vraiment pas que je le dise à un premier rendez-vous, sinon la personne va fuir. Et ben venez nous le dire. Okay. 0-870-42-48, juste après VG Dream. Ça c'est VG Dream de Gagnon. sur Énergie dans un peu plus d'un quart d'heure. On va doubler votre salaire. C'est peut-être vous qu'on va appeler en direct. Ça va se passer à 7h05. Il suffit de vous inscrire. Énergie.fr ou Manu dans le 69.com. Et je vous rappelle que c'est gratuit. Ouais. Imagine Dragon, ça arrive dans 3 minutes. Et avant ça, on parle de ce qu'on ne dira surtout pas à un premier rendez-vous. Oui. Ouais. Tout l'intérêt du but, et le, enfin, tout l'intérêt du truc et le but, c'est de dire des choses que justement on n'a pas envie de dire. Ouais. Imaginez, vous êtes à un premier rendez-vous, tout se passe bien. Ça se passe même merveilleusement bien. Et dans votre tête, il y a un truc. Et vous vous dites, ça, si je le dis, c'est mort. Ouais. Eh bien, le dites pas au premier rendez-vous, mais dites-le nous. 0-870-42-48. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est Black Friday, que le meilleur Black Friday du monde, il est sur Énergie ce matin jusqu'à 9h30. Dès que vous nous appelez et vous arrivez à l'antenne, pour partir avec 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount. Trop bien. Ah, ça, c'est, hey, si ça, c'est pas une bonne raison de nous dire votre truc un peu ouin-ouin dans votre tête pour le premier rendez-vous. Allez, attention, on y va. Paulette, tu veux commencer? Oui, je veux commencer. On dirait un enfant parfois, Paulette. Ouais, parce que ça me fait du bien de le dire, je pourrais pas le dire au premier rendez-vous, c'est qu'en fait, je regarde au moins 3 fois par semaine des reportages sur les serial killers. Ouais. Oh là. Ah ouais, j'ai pris. Trois fois par semaine? Ouais, au moins 3 fois par semaine. Ah ouais, parce qu'après, il y a le week-end. Ah, c'est flippant. Alors, honnêtement, un premier rendez-vous, tu me dis ça, je suis pas, super à l'aise. Tu dis que je suis folle. Ouais. Je me dis que ouais, on va pas faire un gros bout de chemin ensemble quoi. Tout simplement parce que tu vas me découper. Non, c'est pas ça, je suis inspecteur, je mène l'enquête, c'est tout. Ouais. C'est ce qu'il y a toujours dans les séries, puis on s'aperçoit après l'inspecteur c'est lui qui est découpé. Pauline, bonjour. Et bonjour Manu, bonjour les Wawans. Hello. Bienvenue sur Énergie, Pauline. Qu'est-ce que tu ne diras jamais sur toi à un premier rendez-vous? Je ne dirai jamais que j'ai 2 rats qui vivent en semi-liberté dans mon appartement. 2 rats? Oula. Oui, 2 rats. 2 jolies rats, elles sont très très mignonnes. Oh. 2 rats femelles. Mais c'est voulu ou ils sont là? Ah oui, c'est voulu. Ah, elles ont un petit HLM chez moi et elles sont en liberté, quoi. Je les sors, je les rentre, elles vivent leur vie, quoi. Wow. Oh. Ah d'accord. Et elles sont apprivoisées, en fait. C'est tes copines, quoi. Oui. Elles ont des prénoms, elles sont effectivement, très bien. Un premier rendez-vous, se dire que tu peux rentrer chez la fille et que pendant que vous ferez des choses, t'as un rat qui arrive sur toi. C'est pas dément. Ne le dis pas un premier rendez-vous. Non, t'as raison. Pauline, 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount pour toi. C'est comme ça tous les matins dès que vous nous appelez. Oh, merci beaucoup. Merci Manu, merci les Wawans, c'est génial. Je suis trop contente. Merci. Dis donc, c'est pas mal. Glandu, un truc que tu diras jamais sur toi un premier rendez-vous? Moi, j'essaie régulièrement de voir si j'arrive à sucer mon gros orteil de pied. Hein? Ouais. T'essayes de le faire, ça? Ouais. Bah, j'essaye, ouais, c'est un défi. Enfin, j'y arrive pas, mais je gagne en souplesse un peu plus chaque mois. Et j'y arrive pas encore. Mais effectivement, si elle te dit si t'as des passions et des hobbies dans la vie et que tu dis j'aime bien sucer mon gros orteil. Ouais, ouais, je dirais pas quoi. C'est pas ouf. Mais rassure-nous, tu le fais que chez toi ça. Ah oui, je le fais à la maison. Ouais. Ouais, quand je suis sûr vraiment qu'il y a personne qui me. Pas au restaurant. Ouais. Alors c'est ne pas le dire au premier rendez-vous et ne pas le faire au premier rendez-vous. Ah ouais. Elodie, bonjour. Bonjour Manu, salut les Wawans. Bienvenue sur Énergie. Tu es un premier rendez-vous, il y a quelqu'un en face de toi qui te plaît. Et dans ta tête, tu te dis ça, je peux pas le dire, sinon ça va le faire fuir. Alors moi, ce que je peux pas dire, c'est que je sens très mauvais des pieds. Mais alors très mauvais. Oh, ouais. Ça c'est dur. Ouais. Ah ouais. Et ah ouais, surtout quand t'as tout essayé quoi. J'ai essayé le déodorant, j'ai essayé le talc pour éviter de transpirer, j'ai essayé le bicarbonate de soude sur les semelles pour récupérer l'odeur. Wow. Y a rien à faire quoi. Voilà. Des pieds. Elodie, y a un truc, mais ça va pas forcément te plaire. Hein. J'ai peur là. Et l'amputation. Non, mais c'est radical. Ah oui. Non, Elodie, C'est quand même délicat comme truc parce qu'il va s'en rendre compte au bout d'un moment quoi. Si tu te déshabilles devant lui et que tu gardes tes baskets. Non, tu restes toujours en moon boots. C'est chelou quoi. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est mon délire. J'aime bien ça. Ouais. Et crois-moi, t'aimes mieux aussi. Elodie, tu sais quoi? Je t'offre 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount. Tu vas pouvoir t'acheter plein de semelles qui sentent bon. Ouais, bah merci beaucoup. Vous allez me sauver la vie. Grâce à vous, je vais m'acheter des chaussures, des nouvelles chaussures. Et voilà. C'est gentil. On t'embrasse fort, Elodie. Ce que vous ne direz jamais à un premier rendez-vous, on continue un peu. Dorian, bonjour. Bonjour, Manu. Salut, Wawa. Qu'est-ce que tu ne diras jamais sur toi à un premier rendez-vous? C'est que je dors tous les jours avec mon chien. Oh. Oh, attends, bouge pas. Pauline, t'es toujours là? Oui, c'est toujours là. J'ai un mec pour toi. Pauline, elle a 2 rats. Dorian, il a son chien. Franchement, vous êtes fait pour vous entendre. Et si entre le rat et le chien, ça pue pas assez? Elodie, t'es toujours là? Oh non, oui, non. Ok, vous pourrez vous voir tous les 3 avec l'odeur des pieds, l'Elodie, on est bien. Dorian, tu repars toi aussi avec 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount. On vous embrasse. Merci, c'est génial. Merci beaucoup. Continuez comme ça. Merci à vous d'être là chaque matin. 6h52.

What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Le Black Friday est encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour et sur rue-du-commerce.com, c'est la semaine du Black Friday. Et l'enceinte à commande vocale Google Home Mini est à seulement 29,50€ au lieu de 59€. J'ai pas hésité. Résultat des courses, à ce prix-là, j'en mets une dans chaque pièce. Ok Google? Tout Carrefour et rue-du-commerce.com se mobilisent pour vous faire vivre un Black Friday exceptionnel. Profitez de l'enceinte à commande vocale Google Home Mini à 29,50€ au lieu de 59€. Vos magasins Carrefour sont ouverts dimanche. Carrefour. Garantie 2 ans, différents coloris jusqu'à épuisement des 8000 pièces. Magasin participant est ouvert sur carrefour.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. C'est le Black Friday chez Conforama. Venez profiter de 50€ de remise sur le PC portable Acer 14 pouces. Soit un PC portable à seulement 149€. Le super cadeau qui fait plaisir sous le sapin. Conforama, du 20 au 26 novembre, conditions magasin sur conforama.fr. 5 jours de Black Friday, vous en rêviez? Alors pour vous, la Halle invente les Black Black Days. Jusqu'au 25 novembre, 5 jours incroyables avec moins 70% sur votre deuxième article, sur des milliers et milliers de vêtements et de chaussures. Moins 70% en magasin et sur lahalle.com. C'est ça les Black Black Days. La Halle, c'est vraiment vous. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Garçon, quel est le plat du jour s'il vous plaît? Eh bien, le plat du jour c'est... L'Air Discount, je dois filer. Aujourd'hui, il y a 30% de remise immédiate sur les produits bio de Netto. 30%. Netto, le discounter qui fait la différence. Liste des produits concernés, modalités et magasins participants sur netto.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Mesdames et messieurs, notre bus commence doucement sa descente vers la plaine du Black Friday. Ouvrez bien l'œil, c'est ici que vivent les smartphones à prix cassé. Et avec un peu de chance, on pourra peut-être... Oh, regardez là! On en voit déjà un! Et là, un autre qui pointe le bout de sa coque! Bon, la traversée ne dure que 7 jours, alors on va vraiment en profiter à fond. Ouvrez les fenêtres et sortez les filets! Pendant le Black Friday chez SFR, du 19 au 25 novembre, c'est la semaine pour s'équiper. Profitez d'une sélection de mobiles à prix cassé. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition. Hey! Caporal fête ses Blue Friday et c'est Noël avant l'heure. Jusqu'au 26 novembre 2018, moins 50% sur une sélection d'articles. Un t-shirt offert dès 80€ d'achat et le paiement en 3 ou 4 fois sans frais dès 150€ d'achat dans une sélection de boutiques. Le shopping continue sur caporal.com. Dans la limite des stocks, conditions dans les Caporal Store participants. Blue Friday égale vendredi bleu. À tous les curieux, c'est le Black Friday Fnac. Le pack Fnac Microsoft Surface Pro est à 999,99€ au lieu de 1499,99€ en magasin et sur fnac.com, soit 500€ d'économie. Alors, à vos claviers, Fnac, c'est bon d'être curieux. Offre valable jusqu'au 26 novembre, voire conditions en magasin et sur fnac.com. Fnac. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 7h qu'on amène le coq. On double votre salaire dans 3 minutes juste après les infos. On va s'écouter Vita et Slimane. Il y aura aussi The Prince Karma. Later, bitches. Ça arrive juste après les infos. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. Un temps encore bien couvert et pluvieux au programme aujourd'hui. Ce matin, seule la région Grand Est profite de quelques rayons. Partout ailleurs, c'est le brouillard et les averses qui s'imposent. Même chose pour cet après-midi, mais ça s'éclaircira de la Gironde jusqu'à la Côte Basque. 8 degrés attendus à Lille, 10 à Auxerre et Brest, 11 au Mieux à Toulouse, 16 degrés pour les maxi à Draguignan aujourd'hui. Du gris dans le ciel et du orange pour Météo France qui place 5 départements en vigilance ce matin. Des pluies et des inondations qui concernent l'Ardèche, le Gard et l'Hérault. Attention aux orages dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. Soyez extrêmement prudents. Dans l'actu ce matin, 30 000 personnes à Paris contre la politique du gouvernement. Les Gilets jaunes préparent une nouvelle action coup de poing pour demain dans la capitale. En attendant, les opérations continuent partout en France aujourd'hui, notamment pour les promos du Black Friday. Plusieurs centres commerciaux pourraient être bloqués par les Gilets jaunes. Un mouvement toujours aussi soutenu. Selon un sondage, 7 Français sur 10 estiment qu'il faut poursuivre les manifestations. De son côté, Emmanuel Macron va tenter de calmer la grogne mardi dans un discours sur la transition écologique. Le président devrait annoncer l'ouverture des négociations sur la taxe des carburants. On attend aussi la présentation de nouvelles aides pour acheter des véhicules moins polluants et mieux isoler son logement. À travail égal, salaire égal, hier le gouvernement a dévoilé son nouvel outil pour combattre les inégalités entre les hommes et les femmes au travail. À partir du mois de mars, les entreprises seront notées selon les écarts qu'elles pratiquent. L'objectif est simple, il faut attendre 40 points, le meilleur score, en dessous d'un certain seuil. Les entreprises devront s'engager à prendre des mesures sous peine d'une sanction financière. Un mot de foot également ce matin avec un match pas comme les autres attendu ce soir. L'Olympique Lyonnais et Saint-Etienne se retrouvent pour ouvrir la 14e journée de Ligue 1. Pour les supporters, ce derby est d'abord une question d'honneur avec un enjeu sportif. Également, un seul petit point sépare les deux équipes au classement. France-Croatie en lice pour décrocher le titre. Et non, cette fois ce n'est pas du foot mais du tennis avec la finale de la Coupe Davis. Elle se joue à Lille au stade Pierre-Mauroy. Les Bleus compteront sur Jérémy Chardy dès 14h. Il affronte le 12e joueur mondial Coric. Joe Wilfried Tsonga enchaînera ensuite face à Cilic. C'est l'histoire de la vie. 25 ans après sa sortie, Le Roi Lion se prépare à revenir sur grand écran avec une adaptation en images réelles. La toute première bande-annonce a été dévoilée cette nuit. On y retrouve Rafiki, le petit Simba et tous les animaux de la savane réunis pour la fameuse scène d'ouverture. Rendez-vous en salle le 17 juillet prochain. Il va falloir patienter encore un peu. Et côté casting, Beyoncé prêtera sa voix à la lionne Nala. Voilà pour vos infos. Retour de Manu dans le 6-9 tout de suite. Bon réveil sur Energy. À tout à l'heure. J'ai devant les yeux, on va faire ça dans 5 minutes, juste après The Prince Karma et juste après vous avoir doublé votre salaire, une liste des conseils les plus donnés par les grands-parents. Ah, bien. Cool. D'accord. Tous les grands-parents nous donnent toujours des conseils. Ouais. Et ben, j'ai la liste de ceux qui vont parler à tout le monde. Okay. Aujourd'hui, on est vendredi, c'est le 23 novembre, tout le monde le sait, c'est le Black Friday. Ouais. Et chez nous, c'est le meilleur Black Friday du monde. Aujourd'hui, c'est simple. Jusqu'à 9h30, dès que vous nous appelez au 0870 42 48 pour venir avec nous, pour parler avec nous. Eh ben, dès que vous arrivez à l'antenne, vous repartez avec 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount. Wow, c'est génial. Trop bien. La console de jeux vidéo dont vous rêvez, plus les manettes, plus je sais pas quoi, plus n'importe quoi. Vous vouliez simplement peut-être acheter 700 ampoules électriques. Ouais. Vous pouvez le faire. Oui. 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount. Eh ben, c'est pour vous, il suffit de nous appeler. C'est aussi simple que ça. Et de passer à l'antenne avec nous. Et c'est comme ça jusqu'à 9h30. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, c'est le Black Friday. Et demain, véridique, c'est la journée mondiale sans achat. Ah, ben bravo, super. C'est-à-dire qu'on va tous la fêter globalement, on n'aura pas le choix. Non, plus rien. Allez, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. C'est parti, on va appeler Cynthia, elle habite la Chapelle d'Armentières, c'est dans le Nord. Elle a 27 ans et elle touche chaque mois 1638 euros. Cynthia, je t'appelle maintenant pour doubler ton salaire. Attention. Allô? Cynthia? Oui? Cynthia de la Chapelle d'Armentières dans le Nord de la France? Oui. Ok, c'est bien toi. J'ai une question à te poser. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Et voilà. Cynthia, je t'annonce que ton salaire, je vais le doubler. 1638 euros x 2, ça va faire 3276 euros pour toi. Merci beaucoup, je suis trop contente. Bah, tu m'aurais dit je suis déçu, j'aurais été un peu triste. Cynthia, 3276 euros, ça va arriver vite pour toi. Tu es responsable d'une agence de simulateurs de vol. Oui, c'est ça, une agence sur l'île. Mais c'est-à-dire quoi, simulateur de vol, c'est comme les jeux vidéo? Non, c'est un peu mieux quand même. Ah. Et c'est quoi, c'est les vrais simulateurs de vol, genre sur lesquels les pilotes ils peuvent s'entraîner? Plus ou moins, oui. Donc sur l'avion de... En fait, nous, si vous voulez, on a 3 simulateurs. Un avion de ligne et 2 avions de chasse. Sur l'avion de ligne, oui, effectivement, on va être sur quasiment la même particularité que ceux des pilotes. Ouais. On entraîne sur... ton truc, c'est comme un truc de loisir? On peut venir jouer à piloter l'avion? Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire découvrir ce qui se passe dans un cockpit et de se mettre dans la peau d'un commandant de bord. D'accord. Et il y a l'hôtesse qui vient avec le jus de tomate aussi ou pas? C'est moi qui fais l'hôtesse, oui. C'est cool. Et toi-même, tu sais piloter les avions? Un petit peu, oui. Bah, du coup, j'ai appris forcément au fur et à mesure Attends, bah parce que si t'es responsable d'une agence de simulateurs de vol, mais qu'au départ, quand t'as créé l'agence, tu savais pas toi-même piloter un avion, c'est un peu, excuse-moi, comme si un mec faisait de la radio et qu'il avait jamais fait d'études de... Ah bah non, c'est moi. Cynthia, je double ton salaire. 3276 euros, ça arrive très vite pour toi. Merci beaucoup, c'est trop génial. Merci beaucoup. Et ben on t'embrasse fort et merci à toi d'être là chaque matin avec nous. 7h07, dans 3 minutes, j'ai la liste des conseils les plus donnés par les grands-parents. Yes. C'est des conseils de vie que les grands-parents nous ont tous donnés. On va tous se retrouver là-dedans. Juste après The Prince Karma sur Energy, Later Bitches. Bon réveil sur Energy. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. Bienvenue sur Énergie dans 5 minutes, juste après ce qu'on va faire maintenant. Ouais. Ce sera Georges, le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Il va appeler quelqu'un pour lui annoncer que sa commande arrive, mais la personne n'a rien commandé et en plus c'est très vexant. Okay. Restez avec nous. Avant ça, je vous avais parlé d'une liste que j'ai trouvée. Oui. C'est une liste sur internet sur les conseils les plus donnés par nos grands-parents. Ouais. Vous allez voir, vous allez tous vous retrouver là-dedans. Ne grandissez pas trop vite. C'est vrai, ils ont dit ne grandis pas trop vite. C'est vrai. Faut profiter quoi. Et oui, parce que après, qu'est-ce qui nous arrive? On a de la barbe comme grand-maman. Non, c'est pas sympa. Dans les conseils donnés par les grands-parents, il y a aussi n'ayez pas peur d'échouer ou de perdre quoi que vous fassiez. Ouais, c'est bon, ça. On l'a bien tenu, nous. Hein. Ouais, on l'a suivi. Ensuite, dans les conseils des grands-parents, il y a si vous n'êtes pas à votre rendez-vous 10 minutes plus tôt que prévu, vous êtes en retard. Oh là. Waouh. Wow. Ouais. Celui-là, il est. C'est mon accord que Paulette, celui-là, elle l'a mis de côté. Ouais. Ah bah, Paulette, apparemment, elle n'a pas eu de grands-parents. Ouais, non. C'est ça, parce que comme elle est tout le temps en retard, c'est compliqué. Dans les conseils des grands-parents, il y a aussi vous pouvez apprendre beaucoup en restant silencieux et en observant les autres. Ah, oui. Ouais. Tu regardes les gens et voilà. Moi je faisais ça en cours et on me disait que je bossais pas. Je vous assure, j'apprends beaucoup. Ouais, j'apprends beaucoup. Un autre, faites tout de suite bonne impression, vous n'aurez jamais une deuxième chance de le faire bonne impression une première fois. Ah oui, une deuxième fois quoi. Oui. Oui, mais donc t'auras jamais eu la deuxième possibilité de faire une bonne impression une première fois, ce qui est logique. Mais si tu rencontres tes beaux-parents pour la première fois en slip, effectivement, la deuxième fois, t'auras beau avoir un costume de ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Et un petit dernier conseil de grands-parents, si quelque chose ne va pas, c'est que ça ne va pas, cherchez à arranger ça. Ah ouais. Bah oui. Merci mamie. Ça veut dire quoi? Bah merci. Mais non, justement, le truc, c'est que ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais. Ça, si quelque chose ne va pas, c'est que ça ne va pas, effectivement. Là, je pense que c'est un conseil de grands-parents qui est sur la fin, quand même. Pauvre mamie. On revient tout de suite. Quand t'es pas là, toi, là où les mots. On va s'écouter Vita et Slimane, et c'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. C'est dans 3 minutes. Manu dans le 6-9. On est vendredi, tout est permis. Sur Énergie. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la carne. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balqué. De noche me flow como Yandé. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dándame, dándarán, dándarán. La Hindi Mashup. Bogotá para rumbear y voy a balanzar. No llego a todos a Ripura y en el Oriente. Quiero el ritmo sin ley. El papi pula. Vamos a romper la frontera con un olé, yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Mami, yo sé que quieres vacilar con tus amigas en el barrio. Guaraná, rumba y tequila. Déjate el tren, mamacita. Todo el mundo quiere, todas las mami lo quieren. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente mashup, Bogotá pa' rumbear y voy a balanzar. No llego a todos a Pipura y en el Oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente mashup, la gente quiere fiesta y rumba, ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi Pipura, vamos a romper la frontera con un olé, yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal. Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Con las manos para arriba, yeah. Siente el ritmo, mamita, hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Que lo que rap Killian Bootmuller. Que lo que la Hindi Mashup. C'est Camille Cerf, Miss France 2015. Tous les matins, dans ma salle de bain, j'écoute Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est mieux que n'importe quel produit de beauté. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Camille Cerf, Miss France 2015, a annoncé dans une interview qu'elle avait un nouveau projet pour 2019. Ah ouais. Écoutez bien. Créer une collection de lingerie en dentelle de Calais, ça va sortir l'année prochaine. Et elle a dit, je cite, j'ai vraiment hâte de vous montrer les premiers modèles. Camille, hâte partagée. Allez, on passe à Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. Avant d'écouter Vita et Slimane, voici notre intelligence artificielle à nous. Et c'est la plus embarrassante de France. Aujourd'hui, Georges appelle quelqu'un pour lui annoncer que sa commande est arrivée. Sauf que la personne en question n'a pas passé de commande et en plus, elle est vraiment vexante. Allô ? Bonjour, ceci est un message automatique. Oui, bonjour. Nous avons bien pris en compte votre commande. De quoi vous me parlez ? Voici le récapitulatif de votre commande. Oui. 6 tubes, 2 pommades, pour réduire vos brûlets, 180 euros. Je vois pas quand est-ce que j'aurais commandé ça, non ? Article validé. Ouais, j'ai jamais commandé ça, non. Une tondeuse de poils de nez, valeur 50 euros. Non, c'est pas moi du tout. Hein. Validez-vous ce choix ? Non. Vous en avez bien besoin. Non, je valide rien du tout, j'ai rien commandé du tout, non. Votre commande vous sera livrée demain ? J'ai rien commandé, rien. Si, vous avez commandé. Non, j'ai rien commandé. Si, vous avez commandé. Non, j'ai rien commandé. Si, vous avez commandé. Non. Si. Non. Si. Merci, au revoir. Je suis tellement heureux, on a trouvé plus relou que nous, quoi. C'est Georges. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. 7h17, est-ce que vous vous rappelez d'elle? Vous vous rappelez? Oui. Shania Twain. Ouais. Eh ben, Shania Twain, les amis, elle a révélé. Ouais. Alors qu'elle existait encore, déjà c'est bien. Mais surtout qu'elle s'était déjà fait pipi dessus en plein concert et plusieurs fois. Plusieurs fois. Imaginez. Mais non. Chanson là-bas et pendant ce temps-là. Mais non. Mais attends. D'où mon sujet que j'ai envie de lancer maintenant. Ouais. Racontez-nous votre histoire de pipi, j'ai failli me faire dessus. En restant frais. Vous pouvez nous appeler 0870 42 48. Juste après Vita et Slimane sur NRJ. 7h18, bon réveil. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal. Quand t'es pas là. Quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux. À 21, bienvenue sur NRJ. Je vous rappelle cette information incroyable. Shania Twain. Ouais. Bon, qu'on avait un petit peu oublié. Ouais. J'aime bien. A déclaré dans une interview qu'elle s'était déjà fait pipi dessus en plein concert et plusieurs fois. Ouais, incroyable. Ce qui est incroyable. Et alors, Glandu a une réflexion très juste. Mais c'est comment elle fait pour que personne le voit ? Eh ben, je pense qu'elle avait des couches. Oh mais non. Quoi ? Oh là là. Bah, si. Bah si. Mais non. Mais comment tu veux ? Sinon, ça se voit forcément. Bah, elle va changer discrètement. Elle se renverse de l'eau dessus. Bah non pas. Elle se renverse de l'eau dessus. Alors excuse-moi, mais se renverser de l'eau dessus, je l'ai déjà fait. Bah, non. Pas. Ouais, on, alors si vous voulez. Si on s'en raconte nos histoires de j'ai failli me faire pipi dessus ou des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Alors, nous les hommes, quand on va faire pipi aux toilettes, donc voilà, on fait pipi, et il arrive parfois qu'il y ait 2G. De quoi ? Qui est, ça vous est jamais arrivé ? Ouais, si, si, si, le G. Double G. Ouais, ouais, c'est-à-dire que ça sort, mais en fait. Parce que je sais pas, il y a un petit pli de peau, je sais pas quoi, paf, il y a un deuxième, ça divise en deux le G. Ah, mais c'est embêtant. Ah, bah oui, c'est embêtant. Ouais. C'est très embêtant. Et le deuxième G, à un moment, il est arrivé sur mon pantalon. Aïe. Donc je m'en aperçois tout de suite, je coupe. Mais sauf que mon pantalon. Je coupe, je bloque. Ah, oui. Ouais, ouais. Sauf que le temps de bloquer, mon pantalon, c'était un pantalon en lin. Oh, le pantalon en lin. Tu mets une goutte, t'as l'impression qu'il y a une mare. Bah ouais, ça s'étale. Ouais, ouais. Et là, je me retrouve avec cette tache. Oh. Et je suis là, qu'est-ce que je fais ? Je reste toute la soirée aux toilettes ? Je fais comment ? Ouais. Et en fait, j'ai fait ce que tu viens de dire, Glandu. C'est-à-dire que j'ai pris de la flotte au lavabo, je m'en suis mis partout. Et j'ai dit, putain, le lavabo, il m'a explosé à la gueule. Ouais. Et voilà, et ça marche. J'espère qu'il n'y avait pas une fille derrière qui a tout vu. Tu vois, qui t'a vu en train de te mettre de l'eau comme ça. Alors, partout sur le pantalon. C'est rare qu'il y ait des filles dans les toilettes des mecs. Heureusement. Quelle est votre histoire de j'ai failli me faire pipi dessus, c'était à deux doigts, je me suis retenu. Vous pouvez nous appeler au 0870 42 48. Nico ? Moi c'était pas à deux doigts, hein, je vous l'avais déjà raconté quoi. C'est en cours d'escalade en seconde. Ah oui, ah, oh là là. Moi j'ai le vertige, on avait un cours d'escalade, je suis monté un petit peu trop haut et j'avais mon pote Nathan qui tenait la corde en bas qui voulait pas me faire redescendre. Ah. Donc j'ai paniqué, je me suis fait pipi dessus. Pas le gros pipi de ouf. Hein. C'est non, mais quand t'es en seconde. Assez pour que le mec qui soit en bas lâche la corde quoi. Ouais, c'est ça. Oh non. On a Amélie avec nous. Bonjour Amélie. Salut Manu, salut les wawas. Salut. Bienvenue sur LRG. On écoute ton histoire, Amélie. Eh ben écoute, moi en soirée j'ai eu une envie très pressante. Donc du coup je suis allée aux toilettes, je me suis assise, j'ai fait pipi parce que je me suis pas rendu compte que le battant de la cuvette des toilettes était fermé et j'en ai mis partout. Oh. Ah oui. C'est quand même bizarre de pas se rendre compte que les toilettes sont pas... Non ? Bon, je t'avoue que j'étais un peu pompette. Ah, voilà. Sam, c'est celui qui se fait pas pipi dessus. Sam, c'est celui qui voit que les toilettes sont ouvertes ou fermées. Même s'il a une grosse tête et que c'est compliqué pour lui de rentrer dans les toilettes. Merci de nous avoir appelé, Amélie. Et je te rappelle, comme tout le monde, dès que vous arrivez ce matin, c'est le Black Friday, tu repars avec 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount. Merci Manu, merci les Wawas, je suis trop contente. J'ai l'impression que ça te fait plaisir. On peut continuer un petit peu vos histoires de j'ai failli me faire pipi dessus, c'est étendu. 0870 42 48, c'est juste après ça. Manu dans le 6-9. Debout les Wawas, debout les Wawas. Sur Énergie. Coué sur Énergie. Deuxième champion du monde, c'est le Real Madrid. Le club de foot va équiper, écoutez-moi bien, les urinoirs de son stade. Ils vont mettre des écrans sur les pissotières. Comme ça, les supporters ne ratent pas une miette des rencontres pendant qu'ils font pipi. Non, ils vont rester aux toilettes. C'est génial. C'est vachement bien. Et quand le supporter reviendra dans les tribunes et qu'il sentira le pipi, tu te diras que l'équipe a marqué un but. Ouah. C'est Coé, c'est à 17h. C'est sur Énergie. Black Friday. En français, c'est dit fait, c'est disco. In French, we say, c'est disco. En français, je s'appelle c'est disco. In francese, si dice, c'est discount. Et voilà, Black Friday, en français, on dit c'est discount. Le meilleur du Black Friday, c'est maintenant sur c'est discount. C'est discount, n'économisez pas votre plaisir. Du 22 au 26 novembre, Black Friday, vendredi noir. 5 jours de Black Friday, vous en rêviez ? Alors pour vous, la Halle invente les Black Black Days. Jusqu'au 25 novembre, 5 jours incroyables avec moins 70% sur votre deuxième article, sur des milliers de vêtements et de chaussures. Moins 70% en magasin et sur lahalle.com. C'est ça les Black Black Days. La Halle. C'est vraiment vos conditions en magasin et sur lahalle.com. Jiffy, Jiffy, tout le monde nous parle de Jiffy. Mais vous faites quoi pour le Black Friday ? Ce week-end, on vous offre votre Black Friday. 50% de vos achats sont remboursés. Oui, 50% de vos achats remboursés. Vous vous faites plaisir et Jiffy vous rembourse à 50% en bon d'achat. C'est exceptionnel. Allez-y vite. Offre valable du 23 au 25 novembre. Réservée aux clients VIP sur articles repérés Black Friday. Dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin ou sur Jiffy.fr. Jiffy des idées de génie. Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Eh ben, dites toujours. Bon, ok. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah, pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œuf. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union Européenne.

manifestations. Il n'y a pas que les gilets jaunes qui sont en colère. Plusieurs associations de défense des femmes appellent à manifester demain. Elles se rassemblent sous le hashtag Nous Toutes pour dénoncer les cas toujours trop nombreux de violences physiques et morales. 250 marches sont organisées dans tout le pays. Une première dans l'histoire de l'exploration spatiale. On va bientôt pouvoir entendre le bruit de Mars. Une sonde est en route en ce moment même pour la planète rouge. Elle se posera lundi avec un sismographe qui va écouter ses entrailles. La machine a d'ailleurs été conçue chez nous. France-Croatie en lice pour décrocher le titre. Ce n'est pas du foot, mais du tennis avec la finale de la Coupe Davis à Lille. Les Bleus compteront sur Jérémy Chardy dès 14h cet après-midi. Il affronte le 12e joueur mondial Coric. Joe Wilfried Tsonga lui enchaînera face à Cilic. Ils ne relâchent pas la pression après deux Energy Music Awards décrochés à Cannes. Big Flo et Oli reviennent aujourd'hui avec leur troisième album, La Vie de Rêve. Un disque pour faire le bilan d'une année bien remplie sur scène, en studio, mais aussi à la télé. Depuis octobre, les deux frangins prêtent leur voix aux personnages principaux de Pomme et Oignon, une série animée complètement barrée diffusée sur Cartoon Network. C'est encore un rêve réalisé, doubler un dessin animé en plus sur Cartoon Network, c'est une chaîne qu'on regardait trop. Qu'on va regarder le matin, on coupait le son de la télé et on s'entraînait à faire les cons sur ça. Mais ouais, moi je fais Pomme, Flo fait Oignon. L'histoire est simple, on se retrouve grave dedans. C'est deux super amis qui viennent de la campagne, qui arrivent à New York et qui découvrent la vie d'adulte un peu. Ce qui est marrant, c'est qu'on a tourné le clip de plus tard dans notre école primaire. Et les enfants nous disaient « Oh, regardez, c'est Pomme et Oignon !» Je pense qu'on va avoir une génération d'ados dans 5-6 ans qui vont nous faire « Eh les gars, moi j'ai grandi sur Pomme et Oignon, vous m'avez fait délirer !» Grave, donc ça va être très drôle à voir la suite. Voilà, Big Flo et Oli à Tours, Bordeaux et à l'Accor Hotel Arena dans les prochains jours pour leur tournée. Pomme et Oignon, c'est tous les soirs à 19h45 sur Cartoon Network. Voilà pour vos infos. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Energy. Dans 5 minutes, on vous offre la console de jeu de votre choix. On va jouer au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. Ce sera juste après Kenji. Avant ça, on continue à parler de nos petites expériences que nous appellerons les expériences Shania Twain. Est parti de cette info. Shania Twain, c'est elle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, hein, mais elle a eu son succès. Hein. Ah, oui. Et elle a répondu à des questions dans une interview. Ouais. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, mais elle l'a dit. Il m'est arrivé déjà plusieurs fois de faire pipi sur moi sur scène. Ouais, ce qui est bizarre. Mmh. Bon, nous en avons parlé, on a essayé d'élaborer des théories pour savoir comment elle faisait pour pas qu'on le voit, etc. Ouais. Et on en est venu à parler de nos histoires de j'ai failli me faire pipi dessus. Ouais. Super. Et écoutez, apparemment, gros succès du sujet, donc on continue. Et on partage nos expériences. Paulette. J'ai un ex qui est DJ. Et un soir, avant d'aller mixer, il était ultra stressé, le pauvre, et je décide à lui faire une tisane pour le détendre. Oui. Sauf que je prends ma tisane perso, qui était une tisane régime drainante. Et en fait, quand il est monté sur scène, ça a hyper bien marché et il s'est fait pipi dessus. Oh, il n'arrivait pas du tout à contrôler sa vessie. Ah ouais. Oh là là, mais tu vois les tisanes, c'est pas bon. Hein. Ah ouais, c'est dangereux. Non, prenez pas de tisane. La bière, c'est moins grave. Hein. Non. C'est bien la tisane, mais juste avant d'aller se coucher, tu vois. La bière aussi. Hein. Non. Mais avec modération. Bien. Voilà, l'eau, c'est bien aussi. Écoutez, avec modération, la tisane. Glandu, une histoire de pipi. Ouais, moi, je me suis fait pipi dessus en CP. En CP, je me suis fait pipi dessus et ma voisine voit une flaque par terre. Là, elle lève la main, elle prévient la maîtresse pour dire « Ouais, il y a une flaque ». Et moi, j'ai accusé le radiateur. J'ai dit « Ouais, c'est le radiateur qui fuit, tout ça ». Sauf que la maîtresse a vu que j'avais une grosse tache au niveau du pantalon. Elle m'a pas cru. Personne m'a cru. Ouais. Oh, c'est dur, ça, petit. Petit, c'est dur. T'as l'impression que c'est la fin du monde. C'est vrai après, petit, c'est moins pire, effectivement, que dans une entreprise. Pendant une réunion avec tes boss, etc. Ouais, c'est vrai aussi. Il faut voir le bon côté des choses. On le pardonne plus à un enfant. Si t'es responsable, effectivement, dans une grande entreprise et que tu peux lui dessus et que ton directeur te dit qu'est-ce qui s'est passé et que tu dis c'est le radiateur, tu vas pas être le manager de l'année, quoi. Voilà. Et les radiateurs sont électriques à énergie. Donc ça marche moins du coup. Le coup de la fuite. Parce que tu l'as testé ou quoi? C'est quoi? Comment tu sais ça? J'observe. Julie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour toute l'équipe. Bienvenue sur Énergie, Julie. Quelle est ton histoire de j'ai failli me faire pipi dessus? Alors moi Manu, en fait mon histoire c'est que j'étais en train de me promener en ville. Je faisais du shopping avec ma fille et j'ai eu une envie pressante quand tout à coup j'ai éternué. Et en fait en éternuant je me suis fait pipi dessus. J'avais un pantalon rouge en plus, c'était la totale, je savais plus où me mettre. Oh mince. Mais non, mais t'es violente quand t'éternues quand même. Oui, bah, c'est un éternuement assez violent, effectivement. Ah ouais, ouais. Il est venu du fond du cœur, celui-là. Oh la vache. Après, c'est rigolo, ça fait un peu cartoon, je trouve. Ouais. C'est le personnage éternu qui. Ouais, mais enfin, le cartoon, je veux dire que si elle éternue et qu'elle fait pipi, je veux pas imaginer si elle se mouche. Bon. Oh, oh l'image. Mais pourquoi tu penses à ça? Parce que je suis taré. Ah, oui, merci. Et voilà, docteur, je vous le dis, c'est pour ça que je viens vous voir depuis des mois, je suis taré. Ah, okay. Ouais. Julie, c'est le Black Friday, le meilleur Black Friday du monde. Il est ici sur Énergie. Dès que vous nous appelez pour venir avec nous au 0870 40 48, vous repartez avec 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount. Et ben, c'est pour toi, Julie. Oh, super, merci beaucoup, Manu, merci. Gros bisous, et c'est comme ça, jusqu'à 9h30 aujourd'hui, 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount. Il suffit de nous appeler. 7h37, dans 3 minutes, cadeau encore. Wow. Mmh. Wow. On joue au jeu des 5 mots. La console de jeu de votre choix, ça arrive pour vous. Juste après Kenji sur Énergie. Il est 7h37, l'alcool est à consommer avec modération. Oui. Ouais, j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand j'ai parlé de la bière. Et c'est important. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bon bricoleur. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon. Bienvenue sur Énergie. On va lire les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. Et puis on va écouter aussi les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Nico lit tout, Nico écoute tout. Il va partager tout avec nous. On va se faire ça juste après DJ Snake et Céline Gomez. Et tout de suite, nous allons jouer au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. Laetitia, bonjour. Bonjour, salut Manu, salut Wawin. Salut. Quelle est la console de tes rêves, Laetitia? La PS4 Pro. La PS4 Pro, elle est peut-être pour toi dans quelques secondes. Quand je dis quelques secondes, c'est vraiment quelques secondes. Ne bouge pas dans 20 secondes. Dans 20 secondes, on joue au jeu des 5 mots. À tous les curieux, c'est le Black Friday Fnac. Le MacBook Air 128Go est à 849,99€ au lieu de 1099,99€ en magasin et sur Fnac.com. 250€ de remise, une offre à couper le souffle. Fnac, c'est bon d'être curieux. Offre valable sur le modèle 2017 jusqu'au 25 novembre, voire conditions en magasin et sur Fnac.com. Fnac. Attention. sortir les amis, nous sommes de retour, j'avais dit 20 secondes. On est d'accord Laetitia? On est dedans. Je suis là. Eh ben voilà, c'est parti, nous allons jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. La console de TRF, tu nous l'as dit, c'est la PS4 Pro. Pro. Oui. Attention, allez pour toi dans quelques secondes, si tu gagnes au jeu des 5 mots et pour t'aider à gagner, c'est Glandu qui va sortir. Allez là. Ouais. Bonne semaine, vendredi. Attention. Il est en forme. Il est en forme. Glandu est sorti du studio, il est dans le couloir. Il entend plus ce qui se passe. Laetitia, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, je fais revenir Glandu. Je fais pareil avec lui. Et dès que vous avez un mot en commun, c'est gagné. Ok. Laetitia, c'est parti. On joue au jeu des 5 mots. Chant. Musique. Souris. Mulot. Souris, mulot. Mulot. Ah, mulot, pardon. Jaune. Rouge. Labyrinthe. Jeu. Bague. Alliance. C'est pas évident. Non. Non. Mais bon, ouais, on compte sur Glandu. Laetitia, c'est pas évident. Mais on a vu pire. Mais pas faut beaucoup de fois. Mais... faut croiser les doigts. Mais pas beaucoup de fois. On fait revenir Glandu. Allez, les gars. Allez, ça peut gagner. Attention. Black Friday pour tout le monde. Allez. Allez. Attention. On y croit. Laetitia, un mot pour encourager Glandu. Bah écoute, au top. Tu vas y arriver, je le sais. Mais oui, bien sûr. C'est parti. On y croit. Pour une PS4 Pro pour Laetitia, on joue au jeu des 5 mots glandus. Chant. Blé. Non, elle avait dit musique. Oh, il y a deux chants. Eh oui. Il y a aussi le chant magnétique. Eh oui, bien sûr. Oh mon Dieu, ce jeu est compliqué. Il y a aussi le chant des possibles. Oui, bien sûr. On va tout faire. Et le chant lexical aussi. Oh oui. Bon, on va pas tous les faire. Il reste 4 mots. Vas-y. Souris. Tapette. Oh. Non, elle avait dit mulot. Ouais. Ah, c'est précis. Bah oui, c'est qu'elle veut pas tuer les souris. Ah oui. Ouais, pas okay. Il reste 3 mots. Allez, on y croit, on y croit. Jaune. Vert. Oh. Ah, dommage, Laetitia avait dit rouge. Ouais. Ah. T'avais le choix entre quelques couleurs. On est à ça à chaque fois. Alors, honnêtement, quand j'ai écrit jaune, je pensais que tout le monde allait dire gilet. Ah oui. Mais non. Non, non. Bon. Ouais, il reste 2 mots. Vas-y, vas-y. Oh là là. Labyrinthe. Dédale. Ou le dédale. Ouais. Ah non. Oui, bah non. Alors... non. Laetitia avait dit jeu. Ah. Et un jeu de société labyrinthe. Glandu, il reste un mot. Je le connais. Oh là là. Je le connais. Il reste un mot, Glandu. Oh, c'est dur. Attention. Glandu. Bague. Mariage. Alliance. Oh non. Alliance. Eh oui, il y a Alliance. Oh non. Ah ouais. Oh non. Oh non. Ah bah c'est pas grave. Oh là là. C'est Laetitia qui console Glandu. Non, c'est trop dur. Oh non. Laetitia, je suis désolé. Enfin, c'est vraiment tout est de la faute de Glandu. Hein. Oh non, mais non, c'était dur. Écoute, des fois, ça arrive. Ah ouais. C'est quoi, bah oui, c'est comme en amour, on se croise trop tôt, des fois, trop tard dans la vie. Ouais. On peut se retrouver, peut-être que vous vous retrouverez plus tard. Non. Tu nous rappelles quand tu veux, Laetitia, on t'embrasse fort. C'est très gentil, merci à vous tous. Passez une bonne journée. Toi aussi, gros bisous. 7h45, on s'écoute des DJ Snake avec Céline Gomez. Et juste après, on lit les messages que vous envoyez sur les réseaux sociaux et on écoute les messages vocaux aussi que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico qui lit tout, c'est Nico qui écoute tout, c'est Nico qui a pas grand chose à faire dans la journée. Et c'est lui qui les partage avec nous juste après DJ Stack sur NRJ. Soyez les bienvenus. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Aquí. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anunnaki. No le va el va. squeeze it. I squeeze it with my piggyback. It's hungry, my nigga. You need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class. You bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje venticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. The work could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. I'll get high in the party. It's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gives on. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Bon réveil sur Énergie à 8h05. On va doubler votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. Et on va s'écouter Lavrine Tessia dans deux minutes. Mais avant ça, c'est parti. On lit les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Ouais. Et on écoute les messages vocaux aussi que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico qui lit tout, qui écoute tout et qui les partage avec nous maintenant. Et hier, en fin d'émission, on a eu des parents qui nous ont appelés pour répondre à cette question. Pour quelle raison improbable votre enfant a-t-il déjà pleuré? Et c'est incroyable. Ouais. Quand on est enfant, on pleure pour des trucs tellement débiles. C'est ça, ouais. Wow, et nous on le continue adulte en plus. Sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9, il y a Oriane qui dit: ma fille a pleuré parce qu'il n'y avait pas la lettre E dans ses pattes alphabet. C'est compliqué. C'est vrai que quand tu commences à jouer avec tes pattes alphabet, s'il n'y a pas la lettre que tu cherches, franchement c'est la fin du monde. Non, t'es pas bien, Vrai. Salomé sur Facebook: mon enfant a pleuré parce que j'ai pas voulu qu'il joue avec mon tampon. Oui, pour un enfant, il sait pas ce que c'est. Bah ouais, c'est un jouet, quoi. C'est ça. Et oui, exactement. C'est un petit jouet rigolo. Ouais, ouais, après, c'était en public, c'est vrai que c'est gênant, quoi. C'est gênant si t'as ton enfant qui arrive avec 12 tampons, quoi. C'est ça. Pour quelle raison, après, votre enfant a-t-il déjà pleuré? Il y a Olivia qui nous dit: mon fils a pleuré parce que j'ai coupé mes cheveux et que la coiffeuse les a achetés. Oh. Mais tu sais quoi? La première fois que ma fille, elle est venue avec moi chez le coiffeur, elle a fait pareil. Sérieux? Mais elle voulait pas qu'on jette mes cheveux. Et non, vraiment. C'est mignon. Parce que c'est une partie de toi. Exactement. Ah. C'est ça. Ah c'est dingue. La dame, elle a jeté papa à la poubelle. Ça va pas? C'est un peu ça, Bon, un autre message d'Annabelle qui dit: ma fille a pleuré quand mon mari a fait un prout. Ça va être un gros. Un petit dernier message de Laetitia qui dit: ma fille a pleuré quand j'ai refusé qu'elle conduise ma voiture. Alors effectivement, il y a des moments où il faut laisser pleurer les enfants. Ouais. Hein, non, c'est mieux qu'elle pleure pour ne pas la conduire que de la laisser conduire. C'est ça. Bon, tous les jours, on écoute les messages vocaux aussi que vous nous laissez sur notre application Manu en 6-9. Et là, attention, on a un problème de couple. Manu, je suis dans mon lit. Il y a ma copine qui veut faire monter le chien dans le lit. Qu'est-ce que je dois faire? Aidez-nous, aide-moi. Tu parles de qui? À Manu. À Manu. Bonjour Manu. Bonjour Manu. Ah oui, c'est bizarre. Ouais. C'est chelou. C'est bizarre. Donc les deux, ils sont allongés sur le cou, sur le lit. Lui, il parle que sa femme veut faire monter le chien. Sa femme est à côté de lui. Oui. On rentre vraiment dans l'intimité du couple. Ouais, plus loin, c'est très. On le fait pas le matin. Bon, un autre message vocal. Attention, maintenant, c'est un homme quelque part en France qui est en train de craquer. Il pleut chez moi, j'en ai marre, il pleut chez moi, et l'expertise n'en finit pas. L'expert, si tu m'entends, l'expert, viens chez moi, l'expert. Voilà. En fait, oui, au début, je croyais qu'il pleuvait juste chez lui. Non, en fait, il y a une fuite chez lui. Apparemment. Et il attend que l'espère passe. C'est ça. Ok, achète un scaphandre, bonhomme. Bon, Manu, dernier message vocal, celui-là ne le prend pas mal. Mais à 8h30, tous les matins, c'est le son à 10 000 euros. Qui revient tout à l'heure, absolument. Ouais, 10 000 euros si vous trouvez le son. Ouais. Oui. Et ben hier, t'as donné comme indice, tu n'as jamais eu à te servir de l'objet qui fait ce son. Oui. Ok, maintenant, écoute ce message. Salut Manu, salut les Wouin. Ce matin, avec ton indice, je pense que tu es en train de fermer un dictionnaire. Ciao les Wouin, je vous adore. Oh, c'est pas gentil. Oula, touché. Oula, la punchline. Ah ouais. Oh merde. Je t'ai dit, le prends pas mal. Eh ben, je m'en fous, c'est pas ça. Vos messages vocaux, c'est sur l'application Manu dans le 6-9. N'hésitez pas, ou un peu, à en envoyer. La Brint avec Sia, tout de suite sur Énergie, 7h51. Bienvenue sur Énergie. Dans 10 minutes pile, on va doubler votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. Ça va se passer à 8h05. On va s'écouter de la Ju. Est-ce que vous avez une technique pour faire passer le hockey? Ah oui. Ah. Une technique que vous pensez être infaillible. Glandu? Ouais, il faut se boucher les deux oreilles, se boucher les deux narines et boire en même temps. Comme ça. C'est infaillible, ça. Ouais, c'est sacrément l'air d'un con, quoi. Ah oui, t'as l'air très con. Il y a une histoire avec le verre aussi où il faut boire ton verre d'eau, mais pas du bon côté du verre. Un truc qui prend un peu la tête et qu'après tu oublies que t'as le hockey. Bon, du coup, non, on n'a pas de technique. Vas-y. Dis-nous. J'ai quand même tenté. Hein, ouais. Honnêtement, je vous ai fait confiance. Hein, ouais. D'après les scientifiques français, il suffit, pour faire passer le hockey, d'imaginer à quel moment le prochain hockey va arriver pour le faire totalement disparaître. Vous avez le hockey, vous essayez d'imaginer à quel moment il va arriver, et selon ces scientifiques français, ça va faire totalement disparaître. D'accord. Du coup, excusez-moi, attendez. Oh non, non, qu'est-ce que tu fais, Manu? Je pense très fort à mes prochains impôts. Ouais, on sait jamais. Ouais, ça peut marcher. Ouais, bon, allez, on revient tout de suite. Bienvenue sur Énergie. C'est le week-end. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est Manu dans le 6-9. entendez le double hit Énergie avec deux titres de David Guetta à la suite. Appelez Énergie 3937 et gagnez votre voyage, votre fête et votre rencontre avec David Guetta à New York. Énergie, hit music only. Nocibé. Incroyable. C'est enfin Black Friday chez Nocibé et c'est le moment d'en profiter. Aujourd'hui seulement, deux ventes flash à moins 40%. Le parfum Black Opium d'Yves Saint Laurent 50 ml et le mascara Hypnose de Lancôme. Oui, moins 40%. Dépêchez-vous et à demain pour deux nouvelles offres exceptionnelles chez Nocibé. Nocibé, la beauté libérée. Dans la limite des stocks disponibles. Détails en magasin et sur nocibé.fr. Auchan et la vie change. Et pendant le Black Friday, ce sont les loisirs d'Aurore qui changent. Avec la tablette Galaxy Tab 10.1 à 169 € au lieu de 249. Aurore, toi qui rêvais d'une télé et d'un ordi, eh ben là t'as les deux à la fois, mais en beaucoup moins cher. Jusqu'à dimanche, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent la tablette Galaxy Tab 10.1 32 Go à 169 € et vos loisirs changent. Auchan. Dont 30 € en remboursement différé par Samsung, dont éco-participation 50 centimes. Conditions et magasins ouverts dimanche sur Auchan.fr. Black Friday, vendredi noir. C'est le Black Friday chez Conforama. Et dès maintenant, venez profiter de 50 € en bon d'achat des 250 € d'achat sur tout le magasin. 50 € sur tout le magasin. C'est l'offre à ne pas rater pendant les 7 jours du Black Friday. Conforama, du 20 au 26 novembre, liste et conditions sur Conforama.fr. Toyota. Alors, on va vérifier votre vue. Oh, merci, docteur. Regardez mes mains. Combien j'ai de doigts? 20. Très bien. Regardez-moi en face. Là, combien j'ai d'yeux? 4. Exactement. Votre vue est absolument parfaite. Ah. Les 23 et 24 novembre, vous allez voir double pendant le Black Friday hybride Toyota. Faites jusqu'à 25% d'économie à l'achat sur la gamme hybride. Et en plus, faites des économies à l'usage sur le carburant et l'entretien. Toyota. Offre particulière non cumulable dans le réseau participant sur une sélection de véhicules hybrides en stock identifié. Voir détails sur toyota.fr. Et si vous profitiez à fond du Black Friday avec Orange? Moi, avec Orange, pendant le Black Friday, je vais m'offrir le Samsung Galaxy S8 débloqué, sans forfait, sans engagement. Et moi, avec Orange, pendant le Black Friday, mon Samsung Galaxy S8 est à 369 € au lieu de 709 €. C'est tout? Eh oui, t'as plus qu'à me l'offrir. En ce moment, pour le Black Friday, profitez de la haute technologie à prix réduit avec le Samsung Galaxy S8 débloqué à 369 € au lieu de 709 €. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 26 novembre. Détails en boutique Orange et sur orange.fr. Cher Papa Noël, je m'appelle Louise, j'ai 28 ans et cette année, je souhaite que mes proches arrêtent d'essayer de partir avec ma déco Atmosfera. Tu pourrais leur en apporter ? Avec Atmosfera, créateur d'intérieur, libérez votre pouvoir déco. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Le Black Friday est encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est fou, pendant le Black Friday chez Carrefour, il y a 25% d'économies sur toutes les télévisions, tous les ordinateurs et tous les téléphones mobiles. Résultat des courses, c'est ça un vrai Black Friday. Jusqu'à dimanche, profitez du meilleur Black Friday dans vos hypermarchés Carrefour. Avec 25% d'économies créditées sur votre carte Carrefour, sur toutes les télévisions de plus de 500 € et tous les ordinateurs et téléphones mobiles de plus de 400 €. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Hors produit du catalogue Black Friday, modalité magasin participant est ouvert sur carrefour.fr. Sephora. Le Black Friday est là, alors on file tous chez Sephora. Tous les produits Fenty Beauty, la marque culte de Rihanna, sont à moins 20%. Une offre aussi incroyable, ça ne se rate pas. Et c'est aujourd'hui et demain chez Sephora. Et ce n'est pas fini. Jusqu'à lundi, nos parfums et coffrets parfums sont à moins 30%. Vous avez bien entendu, moins 30%. Alors, courez vite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. Chérie, tu me sers un café? J'y vais. Bah qu'est-ce que t'as? Je viens de voir un prix Black J. Ah oui, je comprends, ça coupe le souffle. Aujourd'hui, Black J Silverlite chez Jouet Club. 20% de remise immédiate sur toute la gamme radiocommandée Exhaust de Silverlite. Black J, exceptionnel, seulement aujourd'hui chez Jouet Club. Condition en magasin. Jusqu'à lundi, c'est Black Friday chez Bleu Libellule. Trop hâte, je vais enfin craquer pour mon lisseur GHD à 99 €. Offre valable dans nos 167 magasins et sur bleulibellule.com. Condition en magasin. Énergie. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h qu'on amène le coq. Énergie. On double votre salaire dans 5 minutes, on va écouter Dadju et les infos, c'est tout de suite. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. Un temps encore bien gris et pluvieux au programme aujourd'hui. Ce matin, seule la région Grand Est profite de quelques rayons. Partout ailleurs, c'est le brouillard et les averses qui s'imposent. Même chose cet après-midi, mais ça s'éclaircira en fin de journée de la Gironde à la Côte Basque. 8 degrés attendus à Lille, on aura 10 à Auxerre et Brest, 11 au mieux à Toulouse et encore 16 degrés pour les maxi à Draguignan. Du gris dans le ciel qui vire à l'orange pour Météo France. 5 départements sont placés en vigilance ce matin. Des pluies et des inondations pour l'Ardèche, le Gard et l'Hérault. Attention aux orages dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Soyez extrêmement prudents. Dans l'actu, ce vendredi, ils ont toujours le soutien des Français. Une semaine après les premières actions des Gilets jaunes, 7 personnes sur 10 estiment qu'il faut poursuivre le mouvement. Hier encore, on recensait près de 260 manifestations à travers le pays. Et la pression ne devrait pas retomber aujourd'hui avec l'opération promo du Black Friday. Certains militants prévoit de bloquer les accès aux centres commerciaux et demain ils ont tous rendez-vous à Paris. 30 000 personnes sont attendues dans la capitale. De son côté, Emmanuel Macron va préciser plusieurs choses mardi dans un discours sur la transition écologique. Le président devrait annoncer l'ouverture de négociations sur la taxe des carburants. On attend aussi la présentation de nouvelles aides pour acheter des véhicules moins polluants et mieux isoler son logement. Le sexisme, c'est aussi sur la fiche de paix. Hier, le gouvernement a dévoilé son nouvel outil pour combattre les inégalités entre hommes et femmes au travail. À partir du mois de mars, les entreprises seront notées selon les écarts de salaire qu'elles pratiquent. L'objectif est simple, atteindre les 40 points, le meilleur score. En dessous d'un certain seuil, elles devront s'engager à prendre des mesures sous peine d'une sanction financière. Du foot avec un choc pour ouvrir la 14e journée de Ligue 1. Ce soir, l'Olympique lyonnais reçoit Saint-Etienne pour le derby le plus relevé du championnat. Et l'enjeu est double cette année. Ne pas perdre la face et rester dans la course au podium. Un seul petit point sépare les deux équipes au classement. Ramener la coupe à la maison, eux aussi ils en rêvent et c'est peut-être un signe. Les joueurs de l'équipe de France de tennis affrontent la Croatie en finale de la Coupe Davis. Ça démarre aujourd'hui au stade Pierre Mauroy de Lille avec les deux premiers simples. À 14h tout d'abord, Jérémy Chardy affrontera Coric, le 12e joueur mondial, et Joe Wilfried Tsonga lui enchaînera face à Cilic. Tous les animaux de la savane réunis pour la naissance d'un lionceau, ça vous rappelle forcément quelque chose. La bande-annonce du Roi Lion a enfin été dévoilée cette nuit. Cette nouvelle adaptation débarquera au ciné l'été prochain avec un mélange d'images réelles et de 3D. Les premières images en tout cas nous replongent dans l'ambiance avec un discours de Mufasa, l'arrivée du singe Rafiki et la présentation du tout petit Simba. Beyoncé prêtera d'ailleurs sa voix à Nala dans la version originale. Voilà pour vos infos. Retourne Manu dans le 6-9 tout de suite. Bon réveil sur Énergie. Minutes, ça veut dire que c'est peut-être vous qu'on va appeler en direct dans une minute si vous vous êtes inscrit sur energie.fr ou Manu dans le 69.com pour qu'on double votre salaire. Oui. Yes. Ça va se passer dans quelques secondes. Juste après, on va s'écouter Dadju et puis après, ce sera le retour des concours du jour. Alors vers 8h10, des gens improbables qui font des choses improbables. On va vous raconter leurs histoires. Ça va vous permettre de vous dire que, oh, il y a pire que nous dans le monde. Oh, oui. Nous sommes aujourd'hui le 23 novembre. Nous avons un anniversaire à souhaiter, celui de Francis Cabrel. Ouais. C'est l'anniversaire de Francis Cabrel, synonyme de fiesta. Souvent, oui. Mais c'est un monument français, Francis Cabrel. Mmh. Oui, c'est un monument. Moi, je trouve qu'il devrait avoir une grosse statue quelque part. Oui, bah, dans ton jardin, si tu veux. Enfin, je n'ai rien contre lui, je veux dire. Ouais. Mais c'est, pour moi, c'est Monsieur la Fête, quoi. C'est là, exemple. Mmh. La chanson de Francis Cabrel que je préfère, hein, c'est La Fête. Elle disait que vivre était cruel. Ouais. Wow. Jump! Il y a du monde ce soir! Ouais! C'est mardi! Elle disait que vivre était cruel. Et encore, ça, c'est la chanson des connes d'anniversaire. C'est peut-être pas la fête, mais c'est un grand romantique, tu vois. Tu devrais t'inspirer de lui-même. Ah, là, c'est pas du romantisme, hein. Là, c'est tu veux faire un pas de trop à côté du pont. Hein. Elle disait que vivre était cruel. Après, il a pas fait que ça, hein, évidemment. Non. Bien sûr, hein. Je l'aime à mourir, bah, ça marche aussi. Hein, c'est... Il a fait que ça, en fait. 8h05, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou l'application Manu dans le 6-9 aussi, ça marche. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Amandine habite Sanary-sur-Mer, c'est dans le Var. Elle a 31 ans et elle touche 1742 euros chaque mois. Amandine, on t'appelle pour te doubler ton salaire. C'est parti. Attention. Oui. Allô? Oui. C'est Amandine? Oui. Amandine de Sanary-sur-Mer. Oui. Quel est... oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. C'est vrai. Merci. Eh ben de rien, Amandine, tu gagnes chaque mois 1742 euros. On va doubler ton salaire, ça va faire 3484 euros pour toi. Ah, oh, c'est génial, merci, trop bien. Alors attention, écoutez bien le métier d'Amandine. Oui. Tu es orthoptiste. Oui. Eh ben je sais ce que c'est qu'un orthoptiste. Ouais. Allez, vas-y, c'est quoi? Je vais laisser Amandine l'expliquer. Ah, bien sûr. Alors si je sais, alors je vais vous le dire, c'est comme un ophtalmologiste, celui qui te fait tes lunettes, mais c'est une spécialité un peu. C'est pas exactement la même chose, mais c'est quelqu'un qui s'occupe des yeux aussi. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Alors en fait, moi, je reçois les gens dans les consultations ophtalmo et je fais les lunettes et les examens complémentaires avant qu'ils voient l'ophtalmo. D'accord. En fait, tu lui mâches le boulot, quoi. C'est ça, tout à fait. Mais tu sais quoi? Une femme comme toi m'a sauvé. Ah bon? Alors, j'avais été chez l'ophtalmo. Alors, un rendez-vous, je sais, ils sont. C'est quand même rapide chez l'ophtalmo. Hein. C'est-à-dire que t'attends 8 mois pour avoir un rendez-vous, mais le rendez-vous dure 15 secondes. Tu m'as tombé, Manu. Non, vraiment. Et du coup, il m'a fait une correction. Et honnêtement. C'était pas super bien. Ouais. Et je vais chez l'opticien, je lui dis voilà, il m'a fait une correction, mais je sais pas s'il y a moyen de vérifier quelque chose ou pas et tout. Mmh. Et la nana, en fait, elle était orthoptiste, travaillait chez l'opticien, elle m'a emmené derrière. Et le reste, c'est la légende. Mais sachez que je vois toujours flou. Elle m'a emmené derrière et elle m'a fait un examen qui a duré 25 minutes. Ouais. Et je lui ai dit, mais j'ai jamais eu un examen comme ça. Elle fait, bah oui, bah ils ont pas le temps, etc. Moi, j'ai pris le temps de vous le faire. Ah bon et en plus, c'était gratuit. Oh, et elle m'a fait et la correction était meilleure. C'est trop cool. Et depuis, je vous vois mieux. Ah, bah c'est bien. Et je savais pas que vous étiez comme ça. T'es content, ça va? Exactement. Ouais. Donc Amandine, tu fais un métier qui sauve les gens. Wow. Ah super. Je suis ravie de le savoir. Et ben voilà. Alors, c'est comme les pompiers, sauf que toi, t'as un avantage sur les pompiers. Tu viens pas me vendre ton calendrier. Alors c'est quoi? C'est très drôle parce que là je vous vois tous. Bah non, t'es pas cool avec les pompiers. Non, mais c'est que personne n'ose envoyer de vannes sur les pompiers. On sait jamais. C'est ça. Évidemment, t'oses pas faire de vannes sur les pompiers parce que tu te dis si le pompier il écoute, qu'un jour j'ai besoin de lui, il va passer en voiture, il fera bah tiens, je te mets le klaxon. À bientôt, Manu. Non, moi en premier degré, j'adore les calendriers avec les chats. Vraiment. Alors non, les pompiers, c'est pas les chats, c'est la poste, les chats. Ah mince, pardon. Elle l'a jamais acheté. Ouais. Elle vient de se cramer. S'il y a bien une personne qui déteste les pompiers ici, c'est Paulette. Paulette, si vous êtes pompier, quand vous sonnez chez elle et que ça répond pas, ou vous entendez une voix qui fait mes parents sont pas là, c'est Paulette. Elle vient de se griller. Amandine, on te veut ton salaire. 3484 euros, ça arrive pour toi très vite. Merci à toute l'équipe, bisous. C'est quoi les fois, je m'impressionne. Comment on arrive en 3 minutes à parler d'autant de sujets différents? Je me suis auto-fatigué. Belle journée à toi, Amandine. Bon week-end. Bonne journée. 8h09. Les concours du jour arrivent dans 3 minutes. Des gens improbables qui font les choses improbables. Je vous raconte leurs histoires juste après Dadju sur Énergie. Soyez les bienvenus. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme-femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Ta main veut dire que tu m'as... m'appartient. Et j'ai toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Alors je vous explique ce qui se passe. Nous avons un petit souci technique dans le studio. Donc ouais, on est en train d'appuyer sur les boutons. Et Fred, c'est toi, balance-toi. Ah oui, c'est moi, j'ai appuyé sur le même bouton. Voilà, Fred, c'est un des grands techniciens d'énergie, ouais, qui est là pour vérifier si tout va bien. Et donc on a eu un problème, on lui a demandé de venir. Il a dit, bah attends, j'appuie là, si j'appuie là, ça marche. Et là il a fait, ah non, ça coupe la musique. Donc on est des ouin-ouin le matin aussi. Et puis oui, dans tous les services, hein, c'est ça. Oui, c'est vendredi, on est en bas de la montagne, tout ça. On est en bas de la montagne. C'est qu'il est déjà au week-end, Fred, hein. C'est ça. Tu sais quoi, Fred, pour le petit problème qu'on a là, de son texte, on va se démerder. Non, t'emmerde pas, vraiment, c'est pas gênant. Et on embrasse Dadju quand même, qui, du coup, qui... Ah bah du coup, on n'a pas eu les 25... T'as quelque chose à dire à la famille de Dadju, parce qu'on a coupé les 25 dernières secondes? Non. D'accord. C'est génial. Non, vraiment, les droits sur scène passeront quand même. Alors, les droits sur scène passeront. Vous savez quoi? C'est le moment des concours du jour, on en a déjà fait un. Ouais. Il nous en reste deux. Il nous en reste deux. Allez, c'est parti, les concours du jour. Avant d'écouter Calvin Harris. Des gens improbables qui font les choses improbables. Je vous raconte leurs histoires tous les jours. On démarre en Allemagne. Un homme s'est fait arrêter pour avoir roulé à 95 km/h au lieu de 50. Oh là là. Et donc, il a eu droit à un retrait de permis immédiat. Bah oui. Logique. Alors, petite précision, l'homme avait le permis depuis 49 minutes. Oh, oula. Non. C'est-à-dire qu'il a même pas eu le temps d'annoncer à ses proches qu'il avait le permis. Bim. Ouais. Plus de permis. C'est cool. Ah ouais. 49 minutes, on a un record. Putain, ses potes, ils ont envie de dire, mais qui fait Sam ce week-end du coup? En boîte, en soirée. Ah ouais. C'est chiant, putain, Patrick. Eh ben, désolé. En région parisienne, un braqueur entre dans une bijouterie et prend tout ce qu'il peut. Mm-hmm. Et pour remercier l'employé de cette tenue tranquille, il part en lui faisant un bisou sur la joue. Oh. Voilà. Sauf que la police arrive après son départ et vérifie s'il n'y a pas un moyen de récupérer sur la joue de l'employé l'ADN du voleur. Mmh. Ouais. Et ben oui, ils ont réussi et le mec était ultra recherché, ils l'ont arrêté. Ah non, le concours romantique quoi. Ouais, oui, c'est ça. Enfin, ça la fout mal en prison quoi, quand t'arrives et que tu dis je me suis fait arrêter parce que j'ai fait un bisou à quelqu'un. Moralité, ne faites pas la bise après un braquage. Non, ne braquez pas, c'est mieux, hein, peut-être Manu. Ah oui, la moralité c'est ne braquez pas. Ouais. Oui, oui, oui, oui. Ça marche. Oui. Dernier concours du jour, à propos de braquage, ça se passe dans la Sarthe. Un homme entre dans un bar tabac et le braque en criant haut les mains. Mmh. Mais juste ça. Mmh. Il crie haut les mains. Ouais. Le patron lui demande ce qu'il veut. Et là, le mec cherche et dit non, j'ai oublié, laissez tomber, je m'en vais. Mais donc quoi? Et il part. Donc la police, quand même, est appelée et elle le retrouve pas loin. Dans le bar, juste à côté, en train de prendre un verre au calme, et il a été arrêté. Oh là là. C'est ça. Voilà. C'était l'appel de l'apéro, quoi. C'est ça. Ouais. C'est quoi? Ça pourrait être le scénario d'une pume pour une bière. Ouais, c'est vrai. On ne résiste pas à une pipe ken. Avec modération. Allez, 8h14, on revient tout de suite. On va écouter Calvin Harris. Et c'est le retour, après plusieurs semaines, de notre chèvre qui chante. Allez, ça fait plaisir. Un blind test différent de tous les blind tests que vous avez pu connaître, parce que c'est un blind test avec une chèvre. Oui, une chèvre chante les chansons, à vous de les reconnaître. On est très fatigué, on n'a plus d'idées. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Il répondait au nom de Manu, de 6h à 9h tous les matins. 6h, 9h30 tous les matins sur Énergie. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood.

promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Tonight. 8h21, bienvenue sur Énergie. Attention, dans 10 minutes, peut-être 10 000 euros pour vous. C'est le son à 10 000 euros. Waouh, wow. Trop bien. Restez bien là, je vais vous le faire réécouter. Ce sera juste avant les infos de 8h30. On va s'écouter Soprano, il y aura aussi Offenbach. Mais avant ça, on a Pénélope avec nous au téléphone. Bonjour à toi, Pénélope. Salut Manu, salut les Wawa. Salut. Hello. Bienvenue sur Énergie. Tu es là pour le blind test de la chèvre? Oui. Anne, est-ce que tu peux venir dans le studio, s'il te plaît? Ouais. Donc, on vous explique quand même que ce qui se passe avec le blind test de la chèvre. Je vais vous faire écouter des chansons chantées par une chèvre. Mais attention, ce n'est pas une chèvre. C'est quelqu'un de l'équipe qui imite la chèvre, la meilleure personne de l'équipe à imiter la chèvre, et qui donc chante une chanson. Cette personne, c'est Anka qui travaille avec nous. Bonjour. Non mais, l'actrice. Elle est comédienne. Ah ouais. Parle normalement, sinon ça marche pas. Bonjour. Voilà, c'est sa voix normale. Pénélope, je te présente Anka. Bonjour Pénélope. Bonjour. Et Anka sait très bien faire la chèvre. Oui. Voilà. Wow. C'est elle qui imite la chèvre, qui chante une chanson. À toi de découvrir la chanson. Tu es prête, Pénélope? Je suis prête. Toute l'équipe peut jouer, toute l'équipe peut essayer de t'aider. Ouais. Allez, c'est parti. Bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé. Pénélope? Ouais. Oui. Aucune idée? C'est Michael Jackson. Ben c'est Michael Jackson, je suis là. Écoutez, bravo. La chèvre et Michael. Bébé, bébé, bébé, bébé. Ah oui, ouais, ça marche. Bébé, bébé, bébé, bébé. Et on sait ça aller, hein. Ah ouais. Attention, on complique un petit peu maintenant. Quelle est cette chanson? Pénélope? Maître Gims? Maître Gims? Non. Landu, t'as une idée? Kaiser Panda? C'est Kaiser Panda! Écoutez! Ah ouais! Quand les deux chantent ensemble, c'est limpide! Ouais! Attention, troisième extrait! Le blind test chèvre. Pénélope? Alors le but c'est pas de chanter. Oui, Beyoncé, Crazy in Love. Hey, franchement, ça envoie. Hein. Ouais. Ça aurait peut-être pas eu le même succès, mais c'est quand même pas mal. Ben, ça aurait aussi eu un succès dans les champs. Allez, on continue encore. Attention. Pénélope, une idée? Kenji? Pardon? Kenji? Kenji, non, pas du tout. C'est pas Kenji. Landu? Friends? C'est le générique de Friends. Ouais, ouais. Ah bah écoutez maintenant. Ouais. Attention, allez, un petit dernier pour le plaisir. Allez. Alors, Pénélope. Ça me dit quelque chose. C'est dur, non, c'est dur. Non, il est dur. L'air me dit quelque chose, mais non, là, j'ai pas. Nico, c'est pas d'Adju? Eh ben, tu sais quoi, c'est d'Adju. Le dernier d'Adju. Je dirais que non, mais. Jaloux à la chèvre. Oh merde. Ah ouais. Il fallait oser le faire, hein. Ah ouais. Oui. Je rappelle que c'est Anka qui choisit les titres, hein. Donc. Pénélope.

5 jours de Black Friday, vous en rêviez? Alors pour vous, la Halle invente les Black Black Days. Jusqu'au 25 novembre, 5 jours incroyables avec moins 70% sur votre deuxième article, sur des milliers de vêtements et de chaussures. Moins 70% en magasin et sur lahalle.com. C'est ça les Black Black Days. La Halle, c'est vraiment vous. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Allez Christiane, on plie et on saute. Oui mais j'ai besoin d'une pause là pour... L'air discount, je dois filer. Aujourd'hui, le filet de 750 grammes de clémentine bio est à 1,39€ chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. Variété clé menu, calibre 4-5, catégorie 2, 1,85€ le kilo, origine Espagne, magasin participant sur netto.fr. Tu penses quoi de ma cuisine? J'aime beaucoup. Tous ces rangements, c'est super pratique et tellement bien organisé. Et puis la couleur, oh, j'adore. Oh, bah c'est sympa, merci. Mais je te parlais de mon gratin de chou-fleur aux tripes. Ah oui, ça, oh, surprenant. Tous les ingrédients de la cuisine de vos rêves sont chez IKEA et toujours à prix bas. Comme le nouveau four à air pulsé Anreta à 399€. Et en plus, il est garanti 5 ans gratuitement. Rendez-vous vite dans votre magasin ou sur IKEA.fr. IKEA. Manu dans le 6-9. Dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h32, on est sacrément en retard. Hein ouais. On a 10 000 euros. Le son à 10 000 euros. Comme chaque matin, ça fait 2 semaines maintenant. Ouais. 2 semaines et j'en ai marre. Ah ouais, allez, je ne suis pas content. Allez. Cela fait 2 semaines qu'on vous fait écouter un son tous les jours à 8h30 avant les infos. Vous avez le temps des infos pour nous appeler et pour nous dire quel est ce son. C'est simple. Tu veux que ça gagne là en fait, j'aimerais bien, oui, ça m'arrangerait. Ouais. Parce que ça fait 2 semaines et je ne suis pas content. Regarde-toi. Il y a un moment, c'est les 1000 euros, je vais les prendre moi. Hein. On a 10 000 euros pour vous si vous trouvez quel est ce son, je vous le ferai écouter. Écoutez bien. Encore. Ah mais arrête de dire encore, c'est au moment où je l'envoie à chaque fois. Oh, je te jure, hein, des fois tu me fatigues. Écoutez. Quel est ce son? C'est quoi ça? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Il est où? Il est où le son? Hein? Hein? J'en peux plus. 0870 42 48 chaque matin, vous avez 3 possibilités de gagner. Vous savez quoi? Je vais vous prendre plus que 3 personnes ce matin. Allez, hop, vous nous appelez 0870 42 48. Je veux qu'il soit trouvé. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. Grisaille et pluie encore au programme pour une bonne partie du pays. Aujourd'hui, de petites exceptions quand même. Le soleil brille sur le Grand Est ce matin et il reviendra surtout le quart sud-ouest cet après-midi. 7 degrés au meilleur de la journée pour Arras, 8 à Tours, 9 à Bourg-en-Bresse, 10 à Quimper, 12 à Albi. Demain, ce sera plus ensoleillé et de nouveau pluvieux malheureusement pour dimanche. Et la météo décidément capricieuse dans le sud où 5 départements sont placés en vigilance orange ce matin. Alerte aux pluies et aux inondations pour l'Ardèche, le Gard et l'Hérault. Attention aux orages également dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. C'est le moment de remplir la hotte du Père Noël. Black Friday s'impose désormais comme l'opération promo incontournable de la fin d'année en magasin et sur le net. Et désormais tout le monde s'y met, les produits high-tech, les places de ciné, la cosmétique, les vêtements et même la SNCF. Une journée est de plus en plus contestée également, notamment à cause de la pollution et du gaspillage causé par la surconsommation. Eux, justement, ils comptent bien en profiter pour mener de nouvelles actions. Les gilets jaunes devraient bloquer plusieurs centres commerciaux aujourd'hui. Ils se préparent surtout pour le rassemblement de demain à Paris. Près de 30 000 personnes sont attendues dans la capitale. Vous n'avez pas fini de patienter avant de regarder un clip sur YouTube. La plateforme se prépare à réorganiser un peu ses annonces publicitaires. Dans les prochains mois, vous aurez de moins en moins de coupures en plein milieu de vos vidéos. En revanche, il faudra regarder au minimum 2 spots pub avant d'avoir accès à votre contenu. Comme un air de déjà-vu, France-Croatie de nouveau face à face en finale. Mais cette fois, c'est pour la Coupe Davis qui se joue à Lille ce week-end. Les Bleus du tennis compteront sur Jérémy Chardy dès 14h cet après-midi. Joe Wilfried Tsonga enchaînera face à Cilic. Ils ont grandi, progressé et atteint les sommets ensemble. Big Flo et Oli poursuivent leur belle aventure avec La Vie de Rêve, leur 3e album, dispo aujourd'hui. Les deux frangins y racontent leur année couronnée de succès. Ils ont aussi convié un tas d'invités comme Black M, Soprano, Petit Biscuit et même le groupe Trio. Des collaborations pour se faire plaisir avant tout. En tout cas, elles sont authentiques et elles sont toutes guidées par des rencontres humaines. Trio, on les a rencontrées avec le live, c'est devenu comme des parrains. Petit Biscuit, pareil, c'est devenu un frérot. On a passé des super soirées ensemble. Sopra et Black M, on faisait leur première partie à l'époque. D'ailleurs, il y a une photo qu'on a ressortie, je pense que je devais avoir 15 ans. Avec Black M, on avait juste demandé une photo. Sopra, on avait fait Toulouse-Marseille. On avait trouvé l'adresse de son label pour donner un CD, pour tenter de le rencontrer. Et les gens qui bossent avec Sopra s'en souviennent, donc c'est des histoires magnifiques. C'est totalement un rêve, c'est des gens qui ont ouvert des portes sur leur rap français qui ont rendu la musique rap aussi populaire. C'est grâce à eux totalement. Big Flo et Oli en concert à Tours et à Bordeaux ce week-end. Ils clôtureront leur tournée à l'Accor Hôtel Arena la semaine prochaine. Voilà pour vos infos. On se retrouve à 9h pour le dernier flash actu de la matinée. D'ici là, bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Il est 8h36, j'en ai marre. Ouais. Tu me ramènes des notes à l'école qui sont vraiment pas bonnes. Qu'est-ce qui t'arrive? Excusez-moi, pardon, ma vie, je me rappelle comment mes parents. Oh non. J'en ai marre parce que le son à 10 000 euros n'a toujours pas été trouvé. Bah oui. Ouais. Ça fait 2 semaines là. Franchement, ça va faire aujourd'hui 2 semaines qu'on vous fait écouter un son tous les matins à 8h30. Le principe, il est simple. Ce son, si vous le découvrez, vous gagnez 10 000 euros. Ouais. Mmh. Allez, on y retourne. Le son à 10 000 euros. Juste après, on va écouter le nouveau soprano, ça s'appelle Zoom. Ah, cool. Mais avant ça, attention. On a ces 10 000 euros pour vous. On veut vous les offrir. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de nous dire quel est ce son que je vous fais encore réécouter. Je l'ai enregistré moi. C'est vraiment un enregistrement. Quand je l'ai enregistré, j'ai même tourné une vidéo. Quand il sera découvert, on mettra la vidéo en ligne et vous comprendrez et vous verrez. Et vous ferez « Ah oui, mais bien sûr ». Quel est ce son? Je vous rappelle les indices. L'objet n'est pas le même avant et après. Je n'appuie pas sur quelque chose. Je n'ai jamais eu à me servir de l'objet avec lequel je réalise ce son. Et je n'ai pas eu besoin de sortir de la radio pour trouver l'objet. Ouais, c'est des bons indices, ça. Attention. Oriana, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les mamans. Quel est le son à 10 000 euros? Alors pour moi, je pense qu'en fait, Manu règle une horloge digitale. C'est pas ça. Dommage. Je suis désolé. Oriana, reste en ligne, ne raccroche pas. On a Clément qui est là. Bonjour Clément. Salut Manu, salut l'équipe. 10 000 euros pour toi maintenant. Alors moi je pense que toi Manu, tu mets ton téléphone dans une coque de téléphone portable en dur. Je vous rappelle que l'objet n'est pas le même avant et après le son. Ouais. Un téléphone, quand vous le mettez dans la coque, ce n'est plus le même. Voilà. Je n'appuie pas sur quelque chose. Effectivement, je n'appuie pas, je rentre. Je n'ai pas eu besoin de sortir de la radio pour trouver l'objet. Ouais. Ça marche. Et dis-moi que c'est bon. Le téléphone clipsé, rentré dans une coque. Allez. Clément, écoutez le son. Tu m'entends, Clément? Je t'entends. Il est 8h38, nous sommes le vendredi 23 novembre et ça n'a toujours pas été trouvé. Oh, c'est dur! Oh, c'est pas bien! Oh, j'ai la chair de poule! Pas Manu. Sympa! Ah, oh, c'est dur! Clément, lui, ça le fait marrer! Clément, j'ai cru, là. Ne raccroche pas toi non plus. Inès, bonjour! Oui, bonjour! Qu'est-ce que je fais? Quel est ce son, Inès? Moi, je pense que tu utilises un applicateur de tampon. Oh! Ah ouais. Alors, je n'ai jamais utilisé un applicateur de tampon. Écoutez le bruit. Ça fait ça? Ça peut. Ah bon? Eh ben, je devrais en mettre plus souvent, alors. Je trouve ça bizarre, quand même. C'est pas ça, je suis désolé, Inès. Tant pis. Chaque jour, c'est 3 chances de gagner 10 000 euros. Vous savez, c'est vendredi, c'est le week-end qui arrive, on continue, il y a plein de monde au standard. Ah, c'est cool. Allez. Inès, ne raccroche pas toi non plus. Justine, bonjour. Bonjour Manu, bonjour l'équipe. J'ai envie que vous le trouviez. J'ai envie que vous trouviez ce son. Allez. Je vais vous donner un indice. Ah, merci. Un mot. Ouais. Sécurité. Je vous donne pas plus d'indices. Justine, quelle est ta proposition? Alors moi, je pense que c'est Manu qui branche une prise électrique. C'est pas ça. Je suis désolé, Justine. Allez, on continue un peu. Je m'en fous. Il y a plein de monde au standard. Je veux qu'il soit trouvé. Allez. Cathy, bonjour. Salut. Cathy, j'ai 10 000 euros pour toi. Dis-moi quel est ce son. Bah moi je pense que tu ouvres un parapluie. Avec le bruit comme ça. C'est un petit parapluie. C'est pas ça Cathy. Raccroche pas toi non plus. Allez on continue, on prend quelqu'un encore. Élodie. Oui, bonjour. Bienvenue sur Énergie Élodie. J'ai 10 000 euros pour toi. C'est le son à 10 000 euros. Ça fait 2 semaines. Ouais. C'est quoi? Alors pour moi, tu rassembles un paquet de feuilles et tu les fais maintenir avec une pince, les pinces en métal. Oula, c'est trop long, trop compliqué. Oh non, Je suis désolé, Elodie. Mais Elodie, Cathy, Justine, Inès, Clément, Oriana, vous êtes tous là? Oui. Je suis désolé, le son à 10 000 euros n'a toujours pas été trouvé. Alors on va faire un truc. Déjà, premier truc pour vous. Aujourd'hui, c'est le Black Friday. Ouais. Il y a des réductions partout, on en entend parler depuis une semaine à la radio. On n'en peut plus, on sait tous qu'on va acheter une machine à pain avec 30% de réduction dont on ne servira jamais. Mais le meilleur Black Friday du monde, il est sur Énergie. Depuis 6h ce matin, on vous offre, dès que vous arrivez à l'antenne, un bon d'achat de 1000 euros chez Cdiscount. Ouais, c'est trop bien. On n'avait pas prévu de le faire pour le son à 10 000 euros. Mais comme il n'a pas été trouvé, comme vous nous avez appelé, comme vous vous êtes démerdé, on vous offre 1000 euros de bon d'achat chez Cdiscount à vous aussi. Nickel, merci beaucoup. Allez, hop, c'est cadeau, ça fait plaisir. Voilà, maintenant vous vous démerdez avec Cdiscount. Dis Cédib. Bravo à vous. Attention, 8h41, je vous le dis, j'en ai marre qu'il ne soit pas trouvé. On va faire un truc. Je veux qu'il soit trouvé lundi. Lundi à 8h30, retour du son à 10 000 euros. S'il n'est pas trouvé, on continue et on garde l'antenne. Non. Ah ouais ? Ah voilà. On fait comme ça et on reste tant qu'il n'est pas trouvé. On donnera des indices petit à petit. S'il n'est pas trouvé, à midi, s'il n'est pas trouvé, on sera encore là. Si à 15h il n'est pas trouvé, on sera encore là. Si à 17h il n'est pas trouvé, eh ben on sera encore là. On va rester. S'il faut faire 48 heures d'antenne pour trouver ce putain de son, on le fera. Écoutez, il vaut 10 000 euros. Rendez-vous lundi. Putain, il est tout petit, tout simple, tout con, tout mignon. Et il vous prend la tête. Le son à 10 000 euros, lundi, il sera trouvé à coup sûr. Le son à 10 000 euros. Découvrez-le et gagnez 10 000 euros. C'est 8h42, je suis épuisé. On va s'écouter le nouveau Soprano, ça s'appelle Zoom. Et juste après, c'est les sondages du matin sur Énergie. Bon réveil. Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shao Ella. Je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser, mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Sur Énergie, il est 8h45. On va écouter Offenbach dans 3 minutes. Et juste avant, comme chaque jour, c'est les sondages du matin. Allez. 76% des gens trouvent que quelqu'un qui a ça, c'est excitant. Oula. De quoi il s'agit? Bah restez là parce que la réponse est dans 20 secondes. D'accord. Les sondages du matin arrivent dans 20 secondes. Vraiment, vous pouvez commencer à compter. 20, 19, 18. L'instant d'Arty. Tu peux m'expliquer cette montagne de linge sale dans la salle de bain? J'attends le Black Friday. Ah, c'est ça. C'est le Black Friday chez Darty. Jusqu'au 26 novembre, le lave-linge Thomson classe A3+, est à 349 euros au lieu de 529, soit 34% d'économie. Référence TW814BK. Black Friday, vendredi fou. 2, 1, 0. Oui. C'est ça. J'avais pas menti. 20 secondes, 8h46. C'est parti pour les sondages du matin, vous êtes prêts? Yes. Ouais. Ça m'arrange, vous m'auriez dit non, j'aurais été con. 8% des femmes avouent l'avoir déjà fait sur Instagram. Qu'est-ce que 8% des femmes ont déjà fait? 1-1, interrogeons les femmes. Paulette? Fouiller le compte de son ex? Non, c'est pas ça. Poster une photo sans faire exprès? Alors non, mais le poster une photo, ça démarre bien. Ok. Ah. Poster une photo d'un plat mais qui n'est pas son plat. Non, à mentir, genre je mange ça et pas du tout. Genre tu manges dans des super restaurants et en fait tu prends des photos des magazines. Ouais. C'est pas mal comme idée. C'est quoi, ce serait drôle ça. Faire une dog face. Non, c'est pas ça. Poster une photo, c'est la réponse commence par poster une photo. Et c'est une photo d'elle ou pas? Oui, 8% des femmes avouent sur Instagram avoir déjà posté une photo sexy. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Alors moi j'ai beau éplucher vos comptes tous les jours. Non. Le seul glandule a dû tenter une fois. Ouais, j'ai posté une petite photo torse nu. Ouais, ouais, c'était pas. Pas grand succès, non. C'était pas sexy. Le mot, c'est pas sexy. Ah, c'était pas sexy. Non, c'est. Ça... Gênant. Ah oui. Pour Noël, 24% des gens aimeraient recevoir un cadeau avec cette particularité. Ah, c'est quoi? Avec le ticket pour échanger. Ça peut arriver. Non, c'est pas ça. Un cadeau écolo qui respecte la planète. Non. C'est quelque chose de qui n'est pas bien. Ça se fait pas. Si, ça se fait. D'accord. Si. C'est électronique ce cadeau? Pas du tout. Ou alors faut vraiment que tu sois très doué quand tu l'offres. Ouais, c'est pas très clair. Hein. C'est lié au là où tu l'as acheté ou pas? Non, rien à voir avec là où tu l'as acheté parce que justement tu ne l'as pas acheté. Pour Noël, 24% des gens aimeraient recevoir un cadeau fait maison. Ah ouais, le do it yourself. Ah bah oui, le fameux. Vous savez les trucs que vous voyez, toutes les vidéos que vous voyez passer ou sur Pinterest ou ces trucs là où les gens font des choses incroyables avec des comment ça s'appelle, les palettes. Ouais. Oh, voilà, ouais, bah, tout le monde veut recevoir des cadeaux comme ça, des cadeaux fait maison. Moi, je préfère une PS4 pas fait maison. Honnêtement, à choisir. Ouais. Enfin bon, après prenez les cadeaux fait maison. Hein. Ah. Mais à choisir, non mais c'est vrai. Alors tu sais quoi, je voulais garder ça pour la fin de l'émission. Ouais. Ah. De quoi? Ah, le truc que tu dis de... Ah non, mais non, je peux... Non, faut attendre lundi, pardon. Ah bon? Quoi? Ouais, rien, attends, merde. Mais il se passe un truc avec la PS4, là, il y a quelque chose. Non, on fera lundi. Ok. Non, c'est une torture. Non, parce que le temps... Non, t'emmerdes pas. C'est bon, hein, ce que je te fais. Ah, c'est pas bon, bah non, c'est pas bon. C'est horrible. Pour Noël, 24% des gens aimeraient un cadeau fait maison. Ouais. Dernier sondage du matin. 76% des gens trouvent que quelqu'un qui a ça, c'est excitant. Quelqu'un qui a quoi? Des petits cheveux blancs, tu vois, les cheveux poivre et sel. Non, c'est pas ça. Non, les dents du bonheur. Non plus. C'est un accessoire ou pas? C'est pas du tout un accessoire. D'accord. Ce n'est pas du tout un objet. C'est physique? C'est. Non, c'est pas physique. Ah! Un accent? Oui, bah c'est ça. Un petit accent, ouais, un accent italien. C'est la réponse. Ah ouais? C'est exactement ça la réponse. Après, ça marche quand c'est ton accent, quoi. Il faut pas mentir, tu vois. Si tu fais de l'accent italien. Oui. Et que t'es obligé de le tenir justement, ça se passe bien avec la fille, et t'es obligé de passer 10 ans de ta vie à faire l'accent italien. Le truc c'est on pense tout de suite à l'accent italien, donc l'accent italien ça marche. Ouais. Mais là c'est moins excitant quand même. Moi j'adore l'accent belge par exemple. Ah mais l'accent belge il est extraordinaire. Parce que ça me fait rire, et les hommes qui me font rire, j'adore ça. Tous les accents sont beaux, machin. Ah ouais, j'adore. Pas tous, non. Moi, entre l'accent italien qui est sexy, l'accent belge. Bon, alors je crois que vraiment là je suis content d'être là. J'aime bien. L'accent belge, mais les Belges, franchement, quand ils te parlent, c'est tout de suite sympa. Ouais, c'est ça. Voilà, t'as un côté. Ouais. Ce mec-là peut mais pas être méchant, c'est quoi. Ça. Mais même quand ils annoncent les infos, ils peuvent annoncer les drames avec l'accent, ça passe, quoi. Mais oui. Encore une fois, 94 morts dans un accident. Oh, non. Alors c'est horrible, mais c'est avec l'accent. Tu te fais virer de ton travail, mais t'es content, quoi. Ouais. Tu pars en rigolant. Ah, j'ai une annonce à vous faire terrible, hein. Vous êtes licencié. Hein. Là, on a beau dire les choses, hein. C'est vrai, mais ça, c'est sympa. On devrait avoir un patron belge. Alors là, je suis désolé, là. Toute l'équipe, là, de Manu dans le 6, 9, là, dans le 70, dans le 60, dans le 90. c'est vraiment bref. Hein. Toute l'équipe, là, franchement, vous l'annonce, hein, le résultat de l'audience, c'est de la merde. Alors là, je vous le dis, vous êtes tous virés. D'accord. Ouais, c'est, cool. C'est génial. Oh, on a peut-être. C'est quoi, je devrais écrire un livre sur le management. Dès que vous engueulez quelqu'un, vous prenez l'accent belge. Ouais, ah ouais. Ne oui, il y aurait une page, du coup, dans ce livre. Bah, c'est que ça. C'est très bien. L'accent belge résout tout. Voilà. Voilà. Ouais. Exactement. Même ça marche mieux que les antibiotiques. Alors, ça va quand même, hein, alors, bien sûr. Alors, vous êtes tous virés. Dégagez. Allez, on prend ça. Allez, les sondages du matin reviennent évidemment dès lundi à la même heure. Ah. On va s'écouter Offenbach, c'est le nouveau, ça s'appelle Paradise. Bienvenue sur Énergie. Énergie, il est 8h53, on va s'écouter Kaiser Panda, ce sera juste après les infos de 9h. Et tout de suite, alors c'était pas prévu, ouais. On va lancer un Facebook Live. Ok, okay. Okay. Vous allez pouvoir voir ce qui se passe maintenant, ouais. Parce que quand même ça va être un beau moment. Ouais. Ouais. Hein? J'en parle depuis plusieurs jours. On va le faire maintenant. Tu nous fais une petite cachotterie là, ah, oui, d'un cadeau pour. C'est une petite cachotterie. Ouais. Nico, est-ce que tu me dis que dès que le Facebook Live est lancé, c'est bon. Ok, vous allez recevoir une notification, vous allez sur la page Facebook de l'émission. Et vous allez pouvoir nous voir en direct. Bon, on n'est pas très beau, on le sait. Ouais, ouais, ouais. Ça fait plusieurs jours. Glandu a dit, ah, ce qui me ferait plaisir, c'est une petite PS4. Ouais. Ouais, pour Noël, j'aimerais, ce serait mon rêve. Quoi. Et il se disait, je vais en acheter une. Je lui fais, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, attends. Mmh. Ah. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Oh. Excuse-moi, je tousse. Ouais. Tu veux une petite PS4? Ouais. Alors j'ai cherché. Mmh. Ok. Ouais, j'ai cherché. Ouais, ouais. Cherché, mais. Petite PS4, il y a pas, il y a PS4 grande quoi. Ouais, PS4, ouais. PS4 Pro. Voilà, PS4 mais, Pro elles sont mais elles sont grandes, il y a pas de petite PS4. Ah. J'ai dit, merde. Qu'est-ce que je fais? Je prends la grande? Non, il veut une petite PS4. Oh non. Ah. Je cherche, je trouve pas. Je me dis bah une petite PS4, c'est en fait une PS3. Donc je vais voir. Ouais, non, je l'ai déjà la. La PS3, tu l'as. Ouais, PS3, bon, donc je me suis dit, je vais chercher une petite PS3, il n'y a pas non plus. Mmh. Il a déjà la PS3. Je dis, bon, alors s'il y a plus petit que PS3, c'est quoi? La PS2. Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Je regarde la PS2, je ne trouve pas. Ouais. Putain. Qu'est-ce que c'est? Je ne trouve pas de petite PS4. Ouais. Et comme je sais que tu voulais bah, une PS4. PS4 Slim, ouais, il n'y a pas ça. Oui, elle est un peu plus petite. Ouais. Mais donc en fait, je me suis retrouvé à être l'obligation de prendre une grande PS4. Mais non. Ouais. Oh, glandu. Non! Ah, je suis ému de ouf. glandu. Oh là là. Ne fais pas tomber le carton, s'il te plaît. Ah. Attention, viens. C'est en Facebook Live, vous allez pouvoir le voir. Vas-y, prends le carton. Ah, il est un peu léger, le carton, peut-être. C'est un gros carton. Mais ouvre le carton. Non, mais il n'y a rien. Attends, ouvre le carton, il y a quoi dedans? Il y a un mégot de cigarette. Ah, non, non, non, c'est pas ça. Ah. C'est mais quoi? Non. C'est j'ai trouvé c'est le cadeau de Glandu. Oh, t'es un gamin. C'est une petite PS4. Oh, c'est nul. C'est un porte-clés PS4. C'est dégueulasse. Le pauvre. Oh, c'est pas sympa. C'est cool. Oh, Glandu, c'est un cadeau, c'est quoi. Bah non, mais c'est un cadeau. Tu me mets dans un grand carton pour me faire croire. Oh, ça va. Bah non, ça va pas. Tiens, ça va pas. Oh, oh non. Ça c'est pas bien ça, Glandu. Alors ça c'est pas bien. Ce qui est pas bien, c'est de le mettre dans un grand carton pour me faire croire c'est une vraie PS4 et de m'offrir derrière un porte-clés. Bah attends. Mais si je le mets à mes clés tous les jours, je vais penser à cette PS4 que j'aurais jamais eue. Ça fait 3 jours que tu me fais croire le truc. Mais 3 jours que tu me dis. Ah non, mais ça fait 3 jours que tu me fais espérer. Tu sais, c'est quoi? Tu sais combien ça m'a coûté? Non, je veux pas savoir. Tu sais quoi? J'aurais pu attendre le Black Friday pour l'acheter. Non. J'ai acheté plein pot ce porte-clés PS4. Il est classe. J'ai vu une promo hier. J'ai failli l'acheter. Et je me suis rappelé ce que tu m'avais dit. Attends, excuse-moi, mais il y a 2 jours, Nico, il m'a offert un porte-clés de merde, là. Oui, alors, c'est mon problème, ça. Et ben, en fait, je voulais lancer une nouvelle mode. Régulièrement, maintenant, on va tous s'offrir un cadeau de merde. Ok. Nico a commencé, j'ai enchaîné. Ok, du coup, vas-y, je le garde. Ah, voilà, merci. Le garde. Maintenant, aujourd'hui, c'est à toi. Quand tu voudras dans la semaine, tu nous le dis, tu offres un cadeau pourri à quelqu'un. Ok, bien mangé, tu vois. Ça peut être pas mal, non? C'est bon, c'est bien l'idée. À mon avis, Mani, ça va tomber sur toi, le cadeau pourri, là. Non, t'as pas le droit d'offrir à ton père. Ouais, ok. Merci du coup, merci. Oh. Oh. C'est une PlayStation 2 en plus, en porte-clés. Ouais, ils avaient plus la PS4 en porte-clés. Génial. Oh, rien ne va. C'est nul. Oh là là. Bon, vous sentez la tristesse de Glandu quand même. Ouais. Oh, c'est quoi, tu me fais de la peine parce qu'on dirait un enfant qui attendait son cadeau et qui l'a pas eu. Ah, j'y croyais vraiment, je te jure. Et bah, tu sais quoi, Glandu? Quoi? Mais non. Non! Là! Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Oh non, c'est le même carton. Ils se battent maintenant. Glandu, je te dis que Noël arrive bientôt. Mais oui, mais Noël arrive. Oh, oui, fais pas ton enfant. Non, on revient, on est en retard. 8h58, on revient tout de suite sur NRJ. Il est déçu. Viens faire un hug. Viens faire un hug. Allez. Viens faire un hug. Oh, je trouvais ça drôle, mais il est un peu triste comme il attendait sa PS. Oui. Oh, câlin. Mais c'est le geste qui compte, Glandu. Mais Glandu, regarde bien. Ouais. Non, c'est pas vrai. Non. Je marche plus. C'est bon, j'ai compris. Pour Noël, tu l'auras peut-être ta PS4. Ok. Ouais. Si t'es sage. Allez, je croise les doigts. Bon, on revient tout de suite, on va s'écouter les Maroon 5, les infos aussi. Et dans un quart d'heure, c'est les infos de Glandu. Ouais. Tu les fais quand même? Ouais, allez. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Allez, à tout de suite. Manu dans le 6-9. Demain, c'est samedi et moi, je reste au lit. Yes! NRJ! Je commence quand même par une info, elle est surréaliste. La police tout à l'heure a arrêté sur les Champs-Élysées une voiture, une Lamborghini, vous allez me dire jusque-là tout va bien, avec un lionceau dans un carton et le conducteur en fait avait trop de blé. Donc il a acheté la voiture, il s'est dit qu'est-ce qui fait classe? Le lionceau. Bah bien sûr. Mais non. Bah parce qu'avec un lion, on vient pas t'embêter. Bah vas-y, viens me piquer mon portefeuille, j'ai un lion. C'est la nouvelle mode, c'est bling bling. C'est quoi la suite? Un ours, un tigre? Moi je dis c'est quand même con de se balader avec un lion ou des animaux dangereux et de se faire arrêter par des poulets. Il y a un truc qui va pas. C'est Coé, c'est à 17h. C'est sur Énergie. Nocibé. Incroyable. C'est enfin Black Friday chez Nocibé et c'est le moment d'en profiter. Aujourd'hui seulement, devant le flash à moins 40%. Le parfum Black Opium d'Yves Saint Laurent 50 ml et le mascara Hypnose de Lancôme. Oui, moins 40%. Dépêchez-vous et à demain pour 2 nouvelles offres exceptionnelles chez Nocibé. Nocibé, la beauté libérée. Dans la limite du stock disponible. Détails en magasin et sur nocibé.fr. Auchan et la vie change. Et pendant le Black Friday, ce sont les loisirs d'Aurore qui changent. Avec la tablette Galaxy Tab 10.1 à 169 € au lieu de 249. Aurore, toi qui rêvais d'une